Bonjour Berthold. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Donc, pour ce qui est de la rencontre d'aujourd'hui, alors, le sujet que je veux aborder avec toi, c'est celui de l'observation du réel. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'est l'observation du réel? L'observation du réel, c'est l'invisible qui s'actualise à travers le visible. C'est-à-dire aller voir au-delà, de voir le mouvement au-delà de ce qui se concrétise dans ce qui est visible pour comprendre la mécanique, les lois de ça. Et justement, pour aller au-delà de nos perceptions visibles, est-ce qu'à ce moment-là, il faut accéder à des perceptions paranormales, psychiques, médiumiques? Non, même au début, à mes yeux, c'est du concret. Donc, juste de voir qu'il y a une cause à effet qui semble, par ce qui arrive là, dans le concret, on peut soupçonner qu'il y a une cause à effet au niveau du résultat. Juste ça, c'est percevoir de l'invisible à travers le visible. OK. Et par rapport à la perception, est-ce que tu as des exercices particuliers que tu suggères aux gens à faire? Non? Non, c'est juste d'observer en temps réel ce qui se passe. C'est comme si on est toujours à penser à ce qui va arriver ou à ce qui aurait pu arriver, on perd là, de la vue de ce qui se passe. Ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, autrement dit, il ne faut pas être en mode anticipation, faut pas être en mode réflexion pour y arriver, là. Ben, c'est que l'anticipation, c'est une construction psychologique qui est une spéculation sur ce qui va arriver, tandis que la vue, c'est par l'intégration des lois de ce qui se passe maintenant, on peut prévoir d'une façon réelle ce qui l'est possible. OK. Et pour observer ce qui se passe dans le ici et maintenant, est-ce que en lien avec ça demande une sensibilité particulière? Ben, jusqu'à un certain point, oui et non. Pour le début, non. Mais ça vient. La sensibilité va s'affiner. Ce qui a été vu 100 fois va finir par être ressenti. Puis là, à ce moment-là, c'est plus ce n'est plus de la spéculation, c'est plus de la projection, c'est une intégration de quelque chose de réel. OK. Et peux-tu me donner un exemple concret d'observation du réel qui peut être fait? Ben, si par exemple dans une famille il y a des conflits, puis que les gens sont dans une compétition qui est liée, disons là, à l'estime de soi, à l'affectivité, au contexte là, social de la famille, et puis qu'il y a des gens qui vont toujours chercher une certaine chicane ou chercher de la confrontation, eh bien le fait de le voir en temps réel, ça va aider justement à pas embarqué, si on peut dire, dans ce jeu-là, qui va être porté à se répéter tout le temps, mais c'est juste une compréhension des lois psychologiques qu'il y a derrière ça. Donc, on finit que on voit venir les conflits avant qu'ils se déclenchent, parce que par l'observation, on voit la répétition, donc c'est intégré quelque chose, mais ça reste, c'est pas l'observation de ce qui s'est passé avant, c'est qu'avant, il y avait déjà un début d'observation de ce qui se passait, et puis quand ça revient, on le voit. Donc, jusqu'à un certain point, on n'embarque plus dans les processus psychologiques d'écoulement d'une énergie, au fond, qui est liée à quelque chose qui est de la mémoire, là, qui veut se réactualiser tout le temps. Donc, juste le fait, là, de l'observer en temps réel, c'est déjà préparer une vue future qui n'est pas liée à de la projection ou à de la spéculation sur le futur, mais tout simplement au moment où ça va se reproduire, ça va être vu tout de suite. Mais d'un côté, tu me dis qu'il n'y a pas de spéculation, mais en même temps, c'est que tu vois tellement avec clarté le pattern que tu es capable de l'anticiper. Oui, ben même là, on voit le début. C'est même pas de l'anticipation, c'est on voit en temps réel le début de ce comment ça va se concrétiser. Donc, c'est encore, ça reste que c'est de l'observation en temps réel qui est lié là, à de l'intégration de ce qui a été vu en temps réel avant. Tout ça s'actualise. Et puis, dès que ça arrive, au lieu de le voir par après, c'est de le voir même à la naissance, là, quand c'est embryonnaire. Donc, c'est même pas de la spéculation, c'est vraiment voir l'embryon de ce qui va arriver. Puis, c'est parfaitement rationnel, jusqu'à un certain point, pas au sens d'une mécanique psychologique, mais au sens que c'est réel, il y a de la raison, puis c'est de la raison, mais à un autre niveau là, que psychologique. Puis ça finit que par la répétition, les lois sont intégrées, la mécanique de ces mouvements-là. C'est tout. Exactement. Pour reprendre l'exemple du party de famille ou de la réunion de famille où les gens se rencontrent, des fois, il y a des gens qui sont prévisibles. On sait très bien qu'une personne, elle va vouloir parler de son auto. Il y en a un autre qui va vouloir parler de ses produits de maquillage. Donc, c'est des fois, on voit les gens venir avec leurs gros sabots. Qu'est-ce qu'ils vont amener comme sujet? Puis, ils vont s'attendre qu'ils vont faire une farce puis qu'on va rire à tel moment leur blague. Est-ce que c'est d'observer ces comportements-là comme on les verrait d'une façon comme mécanique? Ben oui, parce que c'est mécanique. C'est mécanique. Les gens, souvent, là, la plupart des gens, ils sont dans le virtuel de leur pensée, puis ils s'identifient à ce qui se passe en eux, mais ça fait qu'ils ne le voient pas. C'est un peu comme si ils sont gérés au lieu de gérer. Donc, à un moment donné, on voit la gestion. Tandis que quelqu'un qui se gère réellement, qui a beaucoup de présence, et souvent, ça va être imprévisible. On ne peut pas prévoir. Il y a quelque chose de créatif qui va se manifester qui fait qu'on ne peut pas prévoir, mais ça va toujours être ajusté. Mais il y a des gens, pour des raisons de compensation psychologique, étant donné qu'ils sont enfermés dans une mécanique psychologique qu'ils ne voient pas, qu'on les voit venir. Là. Puis des fois, c'est ajusté de rire à une mauvaise blague, tout simplement, parce que sinon, on va créer de l'opposition, on va créer de la résistance. Donc, c'est un peu de travailler avec l'énergie des autres, mais en temps réel. Oui, exactement. Donc, autrement dit, au lieu de tout simplement rire par automatisme à une blague que l'autre fait en réaction instantanée, c'est de se voir aller en train de rire à une blague plate, mais en étant conscient qu'on rit de cette blague-là plate, là, qu'on participe à ça, là. Ben, des fois, c'est ce qu'il y a de plus ajusté à faire. Ça donne rien de créer de l'opposition, puis c'est comme les gens là, chez qui là, il y a vraiment là, de la programmation mémorielle qui se réactualise tout le temps. Si on se met à leur expliquer pour qu'ils le voient, ça va se défendre. Ils vont le voir encore moins, puis ça va amplifier le phénomène. Exactement. Donc, ça revient au principe ergonomique que de rire d'une blague qui est plate, ça représente une moins grande dépense d'énergie que d'expliquer à la personne que sa blague est plate. C'est ça, parce que de toute façon, on peut pas forcer l'intégration chez les autres. C'est une illusion. Donc, des fois, si je suis avec des gens qui sont grossiers, bien, tout d'un coup, j'ai un langage grossier et puis j'ai pas d'effort à fournir. Je suis ajusté à l'ambiance. Puis, Exactement, ouais. c'est pas hypocrite non plus, c'est-à-dire que au niveau d'une multidimensionnalité, il y a des aspects comme ça chez moi aussi, et puis s'ils peuvent être utiles, ben ça va s'activer, ça va s'ajuster. Autrement dit, donc, l'observation du réel, c'est de voir les mécanismes chez les gens qui vont se mettre en place et les réactions que ça occasionne. Ben, pas juste chez les jeunes, mais en général. Il y a réellement une mécanique qui est au-delà de ce qui se concrétise dans le plan matériel, c'est des rapports de force, d'énergie. Puis, si ça, c'est intégré, ben là, le réel devient très, très transparent. Même ce qui est virtuel devient transparent, puis on peut voir le réel. Mais c'est ça, c'est ce qui s'actualise dans le subtil à travers le densifier. C'est juste d'intégrer ces lois-là, puis par de l'observation, Ça nécessite aucun effort. Ben, je veux dire, ça demande quand même la présence d'observer ce qui Oui. se passe, là. Il y a quand même une volonté d'être là. Oui, mais ça finit par se manifester d'une façon qui fait que, à mes yeux, c'est pas une volonté. C'est comme ça. La présence est de plus en plus. Elle va se faire. Même il y a une certaine passivité là-dedans. Oui, il y a une certaine passivité, mais en même temps, il y a aussi une attention pour se voir aller. Je veux dire, t'es pas en mode. Oui. Oui. Ben, c'est à force de souffrir puis de situation, à force de pas avoir vu ou d'avoir vu avec un délai, là, finalement, c'est un bien moins grand effort d'avoir de la présence en temps réel quand c'est le temps que d'être obligé de gérer après coup. Oui, dans le sens que l'éjection après coup représente une plus grande dépense d'énergie. Oui, puis il y a des gens que ils voudront pas, ils vont vouloir gérer à tout prix. Puis c'est là que ça donne. Ça, c'est de la volonté, mais c'est de la volonté psychologique. Tandis que la volonté qui est au-delà du psychologique, c'est pas pareil. Il y a pas un investissement d'énergie aussi grand. On n'a pas à réfléchir, on n'a pas à le penser, c'est là. Puis on le voit. Puis même là, je vois pas de choix là-dedans. C'est que à force de ne pas avoir vu, à force d'accumuler, d'être obligé de gérer de l'énergie expérimentale qui draine de l'énergie, eh bien, il va y avoir un mécanisme là. C'est vraiment là, ça apparaît quand c'est le temps. Puis les gens on devient de plus en plus ajustés à ce qui se passe, puis de moins en moins impressionnables. Moi, maintenant, quand quelqu'un là me fait une vraie colère, puis que c'est pas justifié, puis que je sais que la personne, c'est une tension émotionnelle, et puis qu'elle est en train de libérer ça dans un mouvement, ben je suis beaucoup moins impressionné qu'avant. Là, je sais que c'est important pour la personne, mais moi, personnellement, j'y accorde aucune importance, puis il va y avoir une certaine neutralité, puis dans une observation, puis aussi, c'est aussi de respecter la mécanique des autres. Oui, mais en même temps, c'est sûr que si quelqu'un te fait une colère alors que c'est pas justifié, c'est pas agréable d'être exposé à ça. Ben, c'est pas agréable s'il y a des conséquences concrètes, mais si simplement ce qui est désagréable, c'est que la personne crie puis qu'elle fait tout un spectacle, il y a moyen de l'observer en étant détaché de ça sans que ce soit désagréable. Puis si aussi il n'y a pas non plus le piège de l'empathie, de vouloir se mettre à la place de la personne puis d'être en colère avec elle aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Puis maintenant, là, quand quelqu'un me fait une crise, puis que c'en est ridicule, je l'observe, puis j'écoute la personne. C'est ça, ça donne rien de vouloir contrecarrer. Puis même si on dit à la personne, c'est pas rationnel, s'il n'y a pas de conséquences concrètes à ça qui peut nous nuire, c'est pas grave. Et ça donne rien de donner de l'importance à ça. Puis il y a un autre ego qui s'exprime, puis on fait l'erreur de vouloir consolider notre ego par rapport à ça pour faire face à l'autre ego, là, on retombe dans les pièges, et puis finalement, ça veut dire que l'énergie de l'autre est plus forte, elle nous submerge, puis qu'il n'y a pas de gestion, là. Il y a de la gestion à travers l'ego, mais il n'y a pas de gestion par une habitation en temps réel, par de la présence dans l'ego, parce que ce qui vient de l'autre, puis qui n'est pas d'un point de vue concret, qui ne peut pas nous nuire, on n'a pas à le gérer. Oui, exactement, dans le sens que ça devient de la perte d'énergie vu qu'on n'est pas menacé directement par ça. C'est ça, c'est juste une gestion ergonomique par rapport à une vue de ce qui vient de nous, puis ce qui ne vient pas de nous, puis ce qui appartient à l'autre, même si ça vient en relation avec nous. On n'a pas à créer une relation avec ça, pas nécessairement. Si la personne qui me fait une crise, je sais que elle peut me faire des problèmes concrètement, puis que là, il y a des, je sais pas, là, que c'est quelqu'un de procédurier, puis que ça peut finir par des procès, là, c'est complètement différent. Là, je vais entrer dans une gestion active pour essayer de gérer les possibles, mais c'est par rapport encore à ce qui est en germe dans le présent, pas par rapport à ce qui peut arriver, mais c'est par rapport à ce qui est en germe dans le présent. Puis c'est de la gestion, c'est toujours en temps réel, c'est ça, de la présence. Mais si la personne, elle a besoin de me faire une crise, puis que c'est bon pour elle, je vais la laisser faire, mais c'est de ne pas se laisser atteindre. Oui, dans le sens de sortir de l'observateur et de tomber dans la personne qui se sent victime et qui va souffrir émotivement, là. C'est ça, parce que ça devient, si on peut dire, de la projection, là. Ça, c'est du psychologique pur. Si la personne me fait une crise, je vais être sa victime. Si je m'identifie à la pensée que je suis sa victime, ça c'est un manque d'identité. Moi, tant que moi, quelqu'un qui vient me faire une crise, ça se peut que je me fatigue puis que je le mette dehors. Mais tant que je suis pas menacé dans mon intégrité physique ou peu importe, la personne, ça ne me touchera pas, là. Je vais avoir une certaine distance parce que ça serait pas une gestion ergonomique de ma propre énergie. L'énergie des autres qui veut entrer en relation avec moi dans une sorte de guerre d'ego, ça m'appartient pas. Mais si j'ai fait l'erreur de m'identifier à l'idée que cette personne-là est injuste avec moi et que je suis sa victime, eh bien là, je le deviens. Oui, exactement, parce que tu achètes ce rôle-là, tu achètes cette C'est ça. forme-là, puis tu t'identifies à ça. Donc, à ce moment-là, ton mental devient polarisé. Ben oui. Mais d'un autre côté, si d'un point de vue concret, ça peut servir à se défendre concrètement au niveau de la gestion de notre propre vie que d'aller jouer le rôle d'une victime en cour, par exemple, pour des raisons qui sont justifiées et logiques, là, il n'y a pas de problème. Mais là, ça devient de jouer avec les formes, d'être créatif avec les formes sans tomber dans le piège de s'identifier à la forme. Mais c'est pour des raisons pragmatiques, c'est complètement différent. Donc, il peut être intelligent d'endosser le rôle d'une victime au niveau là, de la superficialité de ce qui est projeté, mais c'est intérieurement, au niveau psychologique, dans l'ego, que c'est une erreur à ne jamais faire, de jamais s'identifier à aucun rôle, à aucune. Le seul rôle, c'est celui d'observateur qui gère de l'énergie en temps réel, qui concrétise dans l'actualisation des mouvements qu'il gère. OK, donc autrement dit, ça peut être utile d'adopter par conformisme d'apparence le rôle de la victime dans certains cas, mais en réalité, il faut jamais totalement y adhérer intérieurement, là. Non, parce que c'est là que la vue devient moins claire, parce qu'il y a de l'émotivité. L'émotivité nourrit des formes. Nous nourrissons des formes dans le mémoriel par de l'émotivité, puis ça vient créer une opacité de ce qu'on pourrait dire comme la surface des choses devient opaque. On ne voit plus les mouvements qu'il y a derrière. Et puis c'est là que ça devient dangereux. Exactement. Sinon, pour ce qui est de l'observation du réel, est-ce que par rapport aux philosophies orientales, le domaine de la spiritualité, parce que depuis un certain nombre d'années, dans ces secteurs d'activité, il y a des stages d'éveil, il y a des livres qui sont vendus sur l'importance de vivre le moment présent, de faire de la méditation. Donc, par rapport à ces choses-là, toi, j'étais curieux de savoir un petit peu comment tu te positionnes. Ben, à mes yeux, tout ça, moi, c'est des choses qui ne m'intéressent plus depuis longtemps parce que ce sont des attitudes qui sont, c'est un présent pollué. Ça invite à un présent pollué. Si on est dans le moment présent, puis d'être dans le moment présent au sens que c'est une volonté psychologique d'être dans le moment présent, on voit plus la pollution qui, elle, vient du passé. On voit plus ce qui en germe dans le présent puis qui va se manifester dans le futur. Ça devient de la subjectivité spirituelle qui est liée à une idéalisation du réel. OK. Donc, autrement dit, toi, tu prônes plus d'avoir une conscience qui est continue plutôt que polarisée avec une attention sur le présent. Ben, c'est d'avoir de la présence. Si je me mets dans l'attitude psychologique d'être dans le moment présent, déjà, je perds de la présence parce que je psychologise le mouvement. C'est là que Avoir de la présence, c'est tout simplement d'être centré. Puis même ce qu'on pourrait dire comme être concentré, ça, c'est une activité de compensation liée au fait qu'on n'est pas centré, puisque ça nécessite un effort. L'observation active, la présence, c'est quelque chose qui se fait à force d'intégration, c'est quelque chose qui se fait tout seul, puis ça finit que ça ne nécessite pas de volonté, ça se fait tout seul. J'ai pas à me rappeler d'être présent. OK. Sinon, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de pratique, que ce soit la méditation ou comme le yoga. Ben moi-même, j'en ai fait l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on nous fait prendre des respirations d'une narine à l'autre d'une manière alternée. Et là, on nous demande Ouais, de. Oui. le prana solaire et lunaire. Oui, c'est ça. Des respirations de pranayama, là. Donc, Ben, moi, oui. je trouve que c'est très bien parce que moi-même, puis même je pense que c'est comme ça pour pas mal tout le monde, avant de tomber dans du concret, il va y avoir des choses comme ça, puis je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile. J'ai eu de l'intérêt pour ça. Puis si j'étais pas passé par l'intérêt pour ça, j'aurais pas pu arriver à finalement le mettre de côté. Mais je pense que il y a une science quand même qui est subtile dans ça. Il y a du concret quand même. Moi, je vois rien de mal à ça. Puis pour la méditation, l'approche que je trouve la plus, peut-être la méditation, mais en tout cas moi qui me convenait le mieux, c'est les taoïstes. C'est tout simplement de rester. Il y a pas d'effort dans la méditation taoïste. C'est une passivité totale, puis une désidentification totale aux formes. Puis c'est des méditations qui peuvent se faire coucher sur le côté, qui peuvent se faire assis confortablement. Il n'y a pas de posture rigide. Il n'y a pas de. À mes yeux, là, au niveau des spiritualités, c'est peut-être les taoïstes qui sont allés plus loin, même si ça s'est corrompu, c'est devenu doctrinal, c'est devenu de la religion. Mais je trouve que c'est la forme de méditation la plus simple, la plus. C'est simplement de se rendre compte que on a un peu un poste de télévision dans la tête, une radio, puis de s'en rendre compte pour se détacher de ça, de pas s'identifier à ce qui passe à la télévision. Ça vient au principe de se détacher des pensées là, qu'on observe. Surtout de ne pas s'identifier à ça. Puis, il n'y a pas de pensée à gérer, c'est de les laisser passer tout simplement. OK. Mais le point que je voulais t'amener, c'est que de faire des exercices de respiration, comme par exemple centrer son attention sur le souffle qui entre et qui sort des narines, ça empêche d'être dans le mode anticipation par rapport à ce qu'il y a dans l'avenir ou de réflexion par rapport aux mémoires du passé. Donc, Ben, c'est du mémoriel, au sens où, pour ce niveau-là, il y a de la concentration. La personne va se concentrer sur sa respiration, tandis que quelqu'un de centré va toujours avoir une respiration ajustée à ce qu'il a à faire. Mais même là, moi, là, je dis des choses que moi-même, j'ai pas atteint ça, là, concrètement. Mais quand il faut se concentrer sur quelque chose, que ça ne va pas de soi, que ça ne va pas tout seul, c'est une compensation à de la centricité qui manque, mais on dirait que ça prend ça. Il faut qu'on passe par la concentration avant de. La concentration, c'est un effort de recentrement qui permet de voir qu'on n'est pas centré. Mais oui. l'affaire de se concentrer sur des exercices de respiration, ça peut permettre de voir concrètement des lois là, par rapport au physiologique. Et puis, de regarder le physiologique, ça peut peut-être permettre aussi de voir dans le subtil ce qu'il y a au-delà là, de. C'est le physiologique, c'est une actualisation densifiée de quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc, à mes yeux, c'est. Tous les chemins sont bons. Les gens prennent ce qu'ils ont de ce qu'ils ont besoin, puis c'est correct. C'est pour ça que j'en viens à penser que c'est toujours correct, là, les gens qui font du yoga, qui font de la. C'est tout correct. Je vois pas de. Ça serait le polariser de le voir comme bon ou mauvais. L'affaire, c'est que ça sert. Ça sert. Oui, exactement. Donc, comme tu dis, chaque chose a son utilité. C'est sûr que dans le fond, pour ce qui est de ces activités-là, pour avoir expérimenté, là, parce que ça fait quand même plusieurs sessions que je fais de yoga de type yin, c'est un yoga qui est lié à la polarité plus féminine, passivité, des mouvements plus en douceur du corps, ben ça permet de réinvestir de conscience le corps. Aussi, il y a des activités de respiration qui sont faites. Donc, moi, de mon point de vue, ça me permet de réhabiter puis d'observer davantage, d'être plus présent à mon corps que juste être dans la tête et l'intellect. Ben, c'est sûr. Parce que, mais d'une certaine façon, c'est sûr qu'il y a un peu d'intellect là-dedans, mais le fait que ça fait une jonction entre l'intellect puis autre chose, c'est excellent. Moi, je vois pas de. C'est pour ça que j'ai jamais eu. Je vois pas l'intérêt de polariser ça. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. À mes yeux, tout est bon. Et puis, même qu'il y a des gens qui fument du crack, puis ça fait partie de ce qu'ils ont à vivre, puis c'est correct. Puis que les gens ils fassent ce qu'ils veulent, au fond, le problème, c'est qu'on fait jamais réellement ce qu'on veut, c'est que ça se gère, on est géré jusqu'à un certain point. Puis peu importe ce que les gens font, il va avoir de l'auto-régulé qui font qu'ils sont, c'est ajusté pour eux. Puis même si la personne en meurt, et puis qu'au fond, c'est des choses qui font partie de leur expérimental à eux, puis ce serait vraiment subjectif de le positionner par rapport à d'autres, à l'expérimental d'autres. Des fois, il y a des gens ils sont sur Terre, puis pour gérer ce qui passe à travers eux, puis qu'ils n'arrivent pas à gérer, il faut qu'ils se droguent, il faut qu'ils fassent des sports extrêmes, il faut que. Donc, peu importe ce que les gens font, moi, à mes yeux, c'est toujours correct. C'est certain que si la personne vient défoncer chez moi pour me tuer, pour ensuite s'acheter du crack, ben, il va arriver quelque chose d'ajusté. Puis c'est possible que, au fond, c'est moi là, qui vais avoir à gérer de l'énergie parce que ça vient chez moi. Mais d'une certaine façon, ça ne me concerne pas. Probablement que cette personne-là, sans le savoir, va se mettre en danger parce que je vais me défendre, je vais être ajusté à une réponse. Mais le reste, tant que c'est en dehors puis que ça vient pas interférer, ça, c'est. Je donne pas d'importance à ce qui est à l'extérieur. Ok, mais tantôt tu semblais dire que c'était géré. Est-ce qu'il y a des forces qui gèrent donc les événements? Oui, ben, il n'y a rien d'autre que des forces. Il y a absolument. Les événements, c'est un peu la densification, la cristallisation des mouvements dans des formes. Le plan matériel, c'est un plan de la mémoire de la forme qui est très dense. Mais il y a des choses plus subtiles au-delà de ça. Ce que l'être humain ne peut pas intégrer en conscience, il va être géré par des forces, par des lois qui sont au-delà de sa conscience. Mais c'est un peu ça, là, si on peut dire intégrer, c'est-à-dire qu'il y a de la gestion qui est transférée à un ego qui se dépollue. Et puis là, il y a un début de créativité. Mais il y a toujours de la gestion quand même. Ça reste de la gestion, de la régulation. Mais je veux dire, ces forces-là, est-ce que là-dedans, il y a des intelligences? C'est intelligent, c'est de l'intelligence, mais ça devient des intelligences en parvenant à l'ego. Maintenant, je le vois comme ça. C'est de personnifier puis d'anthropomorphiser les forces des fois, de les voir comme des intelligences, comme s'il y avait une volonté égoïque qui passe à travers. J'ai l'impression que l'être humain est un créateur endormi et qu'il se crée des intelligences quand l'énergie s'amène à lui. Et puis même là, je dis une impression, je dis ça pour pas être catégorique dans ce que je dis, mais en ce qui me concerne, là, au niveau de mon positionnement, de la façon que je le vois, c'est comme ça.

C'est Non. ça, c'est comme moi, le Dieu, Dieu, c'est le moi réel à un autre niveau. Mais les gens l'anthropomorphisent, ils en font quelque chose d'extérieur à eux, ils lui donnent de l'importance, ils lui donnent de l'autorité. Puis là, il y a du mémoriel, de l'affectif, de l'émotif qui vient déformer tout ça. Et puis, finalement, le Dieu devient un terrain de parasitage là, au niveau de la subjectivité. OK. Donc, toi, autrement dit, tu as une conception unitaire du monde. Donc, autrement dit, il y a seulement une chose pour toi dans le monde. Ben pour moi, la multitude est une fonction interne de l'unité. Oui, ben ça revient au principe qu'il existe en réalité une seule conscience, mais avec un coefficient d'individuation multiple. C'est ça. Il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie universelle, mais l'infini, les lois de l'infinité aboutissent au fait que ça doit s'individuer. Ça s'indique parce que c'est une question d'une infinité de la vue du systémique, de l'intelligence universelle. C'est pour ça que je dirais pas les intelligences ou j'ai de la difficulté avec ça parce que c'est de se recréer un bestiaire comme il y a eu dans le passé, ça revient quasiment d'une façon plus subtile des divinités. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'autrefois, il y avait le polythéisme. Donc, les hommes vénéraient plusieurs dieux. Ensuite, on est tombé dans la période des religions monothéistes, que ce soit la religion catholique, religion musulmane, ensuite la religion juive. Et là, on tombe dans l'ère de l'anthropothéisme. Donc, autrement dit, l'homme qui s'approprie à quelque part la divinité ou qui se fait dieu dans un sens. À travers le nouvel âge, puis il y a différentes approches là. Oui, puis à mes yeux, c'est un autre extrême, complètement subjectif. OK. Je peux pas me considérer que si à mes yeux, Dieu, c'est de la subjectivité, je vais pas me faire Dieu, là. Je veux rien savoir de ça. Ça m'intéresse pas. Je suis pas Dieu, puisque Dieu est un concept psychologique. C'est un quichari de la mémoire qui est lié à ça. J'ai pas à me faire. Je peux pas m'identifier à ça. C'est des pensées. OK. C'est des formes. J'ai pas envie de m'identifier à ça. L'individualité qui devient réelle, au fond, ça vient au fait de pas s'identifier à rien d'extérieur, mais à considérer aussi que c'est subjectif de positionner l'interne par rapport à l'externe, puis c'est très subtil. C'est le concept d'identité lui-même qui est subjectif, puis l'identité réelle, c'est de sortir de cette conceptualisation-là. Je veux dire, il y a juste un animal pas à développer ça, parce que le psychologique, il n'a pas besoin de ça pour faire face au réel, puis le gérer. Ben, à un moment donné, l'être humain, c'est un peu, lui, il va se créer des formes pour pouvoir gérer, il va nommer les choses, il va catégoriser, il a besoin de repères. C'est des repères, mais à mes yeux, c'est tellement des choses auxquelles on donne. Moi, je ne peux pas donner d'importance à ça, j'aurais l'impression de gaspiller de l'énergie. Parce que, au fond, là, eux autres, là, puis je considère que ce qui se cache derrière ça, c'est très sérieux, c'est très important, mais je ne prends pas ça au sérieux, puis je n'y donne pas d'importance au niveau psychologique, ce serait subjectif. Tout ce qui compte, c'est d'essayer d'intégrer, de voir de mieux en mieux, de plus clairement possible, de constater. C'est comme si l'être humain a besoin d'intermédiaires avec lui-même, avec ce qu'il nourrit, si on peut dire, là, la source. Puis il se pollue le canal, il pollue le rayon. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'autrefois, il y avait des êtres humains primitifs qui cherchaient à entrer en contact avec le chaman pour faire interférence auprès des dieux en vue d'avoir une température favorable pour les récoltes. Ça marche. Il y a quelque chose, je veux dire, le chaman est en contact vibratoire avec du subtil, quand même. Puis, c'est clair qu'il peut y avoir des causes à effet qui vont s'actualiser dans le plan matériel.

Et l'énergie qui descend, est-ce que c'est l'âme de l'enfant qui va naître à travers eux? Non, ça descend à travers l'âme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un corps intermédiaire à mes yeux, l'âme. Le processus d'incarnation se fait par un intermédiaire parce que l'esprit, c'est trop. C'est trop. Il y a trop une grosse dichotomie fréquentielle avec le plan matériel. Donc, ça ramasse de l'âme en descendant. Ça passe à travers l'animique. Mais c'est comme. C'est comme quelqu'un qui ramasse son char, c'est le char qui descend. T'sais, je veux dire, quelqu'un qui vient en autobus, c'est l'autobus qui descend. Non, c'est quelqu'un qui prend l'autobus qui descend dans l'autobus. Oui, C'est qui? dans ce sens-là. Ben, l'âme, c'est juste un véhicule. OK. C'est bien intéressant, ça. Parce que on spiritualise ça. On spiritualise l'esprit à cause de l'âme. Oui. Ça. Donc, si je poursuis, est-ce que c'est l'âme qui descend? L'âme, c'est un véhicule que ce qui descend passe à travers l'âme pour s'incarner. Mais est-ce que l'âme descend? Oui. Mais c'est pas la source. C'est pas la source de ce qui descend. C'est un véhicule qui est pris pendant le mouvement. Parce que ça prend quelque chose d'intermédiaire encore, ça prend de la mémoire encore. Puis même quand ça s'incarne dans un corps, il y a de la mémoire matérielle, ce qu'on appelle le code génétique. Exactement. Puis l'âme est un peu un code génétique plus subtil, c'est de la mémoire. Puis c'est ça là, que si on spirit. C'est parce qu'on spiritualise le mouvement de ce qui descend à travers l'âme, comme on prend le véhicule pour ce qui est dedans, ce qui vient avec. Mais C'est tout. oui, mais quelle distinction est-ce que tu ferais entre l'âme et l'esprit? L'âme, c'est de la mémoire. L'esprit, c'est de l'intelligence. OK. Donc, c'est un peu comme l'âme, c'est. Comment je peux. L'âme, c'est un peu comme un disque dur. L'esprit, c'est un peu comme ce qui alimente en électricité, ce qui va s'enregistrer. Tout simplement. Mais l'esprit, c'est de l'intelligence au sens où ce qui sait n'a pas besoin de se souvenir. Mais l'ego n'est pas assez fort pour se souvenir de ce qu'il sait. Donc, il passe à travers de la mémoire qui vient réguler la descente de ça. Ça filtre. Même le cerveau matériel, si on prend comme une actualisation dans le matériel de certaines lois, c'est un filtre. La perception est un filtre du réel qui protège l'ego de ce qui n'a pas la capacité d'intégrer. Donc, autrement dit, si l'ego est protégé parce qu'il n'est pas capable d'intégrer certaines choses, est-ce que tu irais dans le sens qu'il existe un principe de diffraction de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie est quelque part diluée pour qu'elle soit digeste pour l'ego? Oui, ben, à mes yeux, l'incarnation, c'est un processus de division puis de filtre. Même la pollution dans l'ego sert, c'est utile parce que ça fait partie de. Moi, je vois juste des lois dans ça. Sinon, il n'y aurait pas de l'individualité, puis l'évolution, tout ça serait impossible. Même l'évolution, à mes yeux, c'est une étape nécessaire. Il pourrait pas y avoir de l'évolution d'un coup. C'est impossible. Il faut que ça se densifie les véhicules par où ça passe. Puis on peut considérer que les ouvriers, c'est de la pollution. Là, c'est une image que j'emploie là, d'un édifice. Mais on a besoin qu'ils viennent foutre le bordel pendant plusieurs mois. Puis une fois que l'édifice est construit, ils s'en vont. Oui, parce qu'ils ont complété leur mandat. Donc, autrement dit, ont une utilité temporaire pour amener des fondations, par exemple pour construire une maison. Mais une fois que les fondations sont là puis que la maison est construite, ben, la personne peut la gérer par elle-même. Elle n'a plus besoin de ça. C'est ça. Parce que le particulier qui veut sa maison n'a pas les compétences pour la construire. Donc, il y a des ouvriers pour le protéger d'expériences inutiles qui aboutiront pas au résultat qui est voulu par les lois. Puis même là, c'est pas qui est voulu, c'est ça veut pas, c'est comme ça. Mais c'est là que j'allais en venir, parce que quelque part, le moi réel, tu disais qu'il n'y avait pas de volonté. Non, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de volonté, c'est comme ça. C'est comme ça. Le plan matériel est juste quelque chose de plus dense. Et puis l'ego est quelque chose que je vois comme d'extraordinairement perfectionné. Puis qui se perfectionne tout le temps. C'est le véhicule. Le plan matériel, c'est le plan qui sert de point de jonction des autres plans. C'est là que se manifeste la multidimensionnalité. Puis l'ego, c'est quelque chose d'extrêmement perfectionné comme véhicule. C'est l'aboutissement, c'est la pointe de tout ça. Parce que ce qui part de la source pour aboutir dans le plan matériel, c'est incroyable le perfectionnement de tout ce qui est intermédiaire pour aboutir finalement à l'ego, qui est ce qu'on peut voir là comme possiblement là, un des véhicules les plus perfectionnés qu'il n'y a pas, au point où il va servir de point pour fabriquer d'autres véhicules qui retournent vers le subtil. À ce moment-là, est-ce que tu fais référence aux gens qui vivent la fusion et qui se construisent le Merkaba ou ce que certains appellent le corps d'énergie morantiel? Oui, ben l'important, c'est au-delà de ces mots-là, ce qu'il y a au-delà de ça. C'est clair qu'il y a des réalités qui sont interprétées à travers ces formes-là, mais ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose derrière qui est perçu à travers ces formes-là. Mais l'affaire, la Merkaba, puis le corps morontiel, puis ces choses-là, c'est des formes qui servent à appréhender ce qui n'a pas encore de forme, là. Donc, au niveau là, de ce qu'on pourrait avoir comme des doctrines, c'est clair à mes yeux qu'il y a du réel. Mais au-delà de ça, c'est pour ça que c'est un langage que j'ai pas repris. Mais il reste que le plan matériel peut pas. Ça part de partout puis ça va partout en même temps. Mais le plan matériel est fixé dans la linéarité polarisée de l'espace-temps. Donc, il y a une illusion, si on peut dire, d'une linéarité là-dedans, parce qu'à mes yeux, ces choses-là sont déjà réelles. C'est juste que l'ego est dans cette perception, est prisonnier d'un espace-temps où il n'a pas la vue de ça encore, parce qu'il faut pas, ça détruirait l'ego. Les gens vont devenir fous. Si d'un coup tout ça apparaît très très clairement, les gens vont devenir des exaltés, des mystiques, ils vont devenir des. Ben, c'est ce qui est arrivé aussi. Mais il reste que derrière ces formes-là, il y a quelque chose. Mais le corps, comme si on peut dire, le corps éthérique, c'est Ouais. simplement ce qui va servir ce qui sert à se promener d'un plan à l'autre. Tout simplement. Mais en lien avec ça, est-ce que toi, tu penses que l'être humain vient sur la Terre pour évoluer et arrêter de diffracter l'énergie, c'est-à-dire arrêter de la diluer pour être capable d'absorber à l'état brut et réconfigurer par la suite son aura pour que son aura devienne un véhicule de déplacement multidimensionnel? Oui, mais l'illusion qu'il vient pour faire ça vient de l'espace-temps. C'est déjà fait, c'est déjà concret. C'est comme si je donne un coup de pied sur un tabouret, je donne un mouvement, puis là où il va aboutir le tabouret dans le mur, c'est déjà prédéfini dans le coup de pied au niveau de la direction puis de l'énergie. Donc, autrement dit, il y a présentement des êtres humains sur la Terre qui ont déjà des corps d'énergie multidimensionnels dans un futur, et c'est juste d'intégrer avec la linéarité que le processus se fasse. Oui, parce que c'est un processus à cause de la nature du plan matériel, que c'est un processus. Mais au-delà de ça, c'est un peu comme si nous étions déjà parfaits, mais nous devons protéger les structures récentes de cette perfection-là à cause de la linéarité du plan matériel. Mais c'est un processus de dépollution de ce qui est de ce qui est plus utile à mesure de l'avancement dans cette linéarité-là. Mais au niveau du résultat, c'est déjà là en germe. C'est l'être humain est de toute façon à cause de la nature des lois, et puis il va toujours se rendre à la limite de sa destruction parce que ça fait partie de l'apprentissage d'une créativité qui est réelle. Mais il est protégé par lui-même sans le savoir, mais une intelligence qui transcende l'intelligence incarnée humaine, qui est liée à des lois, de perpétuer le processus. Donc, cette intelligence-là de nature transcendantale qui dépasse l'expérientiel, ça serait le moi réel. Oui, puis c'est même, on pourrait dire, le moi universel. Mais même là, ça devient une transcendance immanente. C'est de l'immanence transcendantale. Oui. Je vois pas de polarité entre immanence et la transcendance. C'est très, très concret. Oui, bien, c'est sûr que en lien avec ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que présentement on se parle, on est sur le plan physique au Québec, mais en réalité, le moi réel est peut-être déjà fusionné avec un corps d'énergie de déplacement interdimensionnel qui est de type Merkabor puis qui existe simultanément Ben oui, avec nous? c'est juste que la gestion est pas encore, l'ego est encore protégé par sa pollution, donc la gestion est pas transférée encore, c'est pas individualisé encore. Mais quand les gens font un rêve prémonitoire, ils ont voyagé dans le temps, ils ont reçu de l'information, ça passe par des corps subtils, si on peut dire qu'ils sont au-delà de l'espace-temps. Mais il faut que ça, étant donné que l'être humain pourrait pas tolérer probablement au stade où on est rendu la vue de ça, ça passe à travers des formes rêvées, là. Ce qu'on pourrait dire les intelligences de la forme. Mais même là, comme je l'ai dit avant, là, les intelligences, il y a de l'intelligence qui transcende la forme, mais qui est obligée de passer par des formes. Mais c'est déjà voyager dans le temps. C'est déjà à recevoir de l'information par des corps subtils, puis des rêves prémonitoires, même des petits enfants avec un retard mental peuvent en faire. Donc, ça n'a rien à voir avec la vision psychologique, sociale qu'on a de ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on pourrait regarder de haut, que sur d'autres plans, possiblement, ils sont aussi avancés que nous, mais c'est de la façon dont ça s'actualise qui fait que on le catégorise avec subjectivité, mais probablement que on voyage tous dans le temps, on voyage tous sur les plans, mais ça peut pas être la conscience de ça peut pas être intégrée par l'ego encore, mais c'est agissant quand même. C'est juste que l'ego est pris dans un espace-temps, puis dans de la perception, ses sens. Exactement. Donc, autrement dit, c'est les limitations sensorielles liées à notre condition d'être au monde à travers un corps, en termes de conscience manifestée sur le plan physique, qui nous empêche de saisir ces éléments-là liés à la multidimensionnalité. Oui, puis possiblement que c'est nécessaire par rapport au côté matériel du processus linéaire. Si c'est comme ça, c'est que ça ne peut pas être autrement. Mais même là, si on regarde certaines facultés, là, les gens là, qu'on dit psychiques qui ont des facultés extrasensorielles, souvent on se rend compte que ces gens-là, au niveau du concret, dans leur vie de tous les jours, ils sont pas ajustés là, à la réalité. Donc, il y a de l'intelligence, mais l'être humain est très, très, très intelligent. Il a toute l'intelligence de l'univers, mais il n'est pas encore dans son intelligence parce que il s'autodétruirait. Ça viendrait annuler là, tout le la division. Ce qui fait que cette intelligence-là s'individualise, mais c'est encore là, c'est lié à l'infinité de la vue, tout simplement. C'est comme le système, il se voit,

Ça va le servir, oui, parce qu'il y a cette expérience-là à faire, mais ça le dessert en même temps. Puis finalement, c'est de l'expérimental, c'est toujours de l'expérimental. L'être humain est géré à travers de la mémoire, à travers les forces collectives qui viennent protéger l'individu de lui-même, en plus que ça protège l'individu, le collectif des individus. Parce que dès que quelqu'un pense réellement par lui-même, on voit les forces du collectif tout de suite se lever. Puis devenir agressive, là, il y a de la gestion qui veut se faire, il y a de la régulation qui veut se faire, et ce qui était les philosophies classiques est devenu, parce qu'il y avait quelque chose, des fois c'était fulgurant, là, ce que certains philosophes ont vu, au point où ça a traversé les millénaires, mais c'est devenu de la connaissance. C'est devenu de la connaissance, de la théorique, ça c'est comme dès qu'une forme est enregistrée dans le mémoriel, si l'essence qu'il y avait dedans va s'atténuer avec le temps, ça va se corrompre avec le temps, ça va se dégrader avec le temps. Puis là, c'est là qu'il y a des gens qui vont dire, ben, il y a de nouveau que ce qui a été oublié. Ça, ce n'est des choses que j'ai entendues souvent de des gens qui étaient en philosophie. Il y a de nouveau que ce qui a été oublié. Ils se rendent pas compte là d'à quel point ce qu'ils disent a aucun sens. Ils sont dans de la mémoire. Il n'y a aucune créativité là-dedans. Puis, ils sont coupés de leur propre lumière pour se protéger par des formes enregistrées. Puis, c'est ça de la philosophie. Puis, même la psychologie est née de la philosophie, là. Si on pense à des gens comme Bergson, depuis Bergson, Jung, puis au fond, c'était des philosophes, mais ça a engendré, même un peu avant Bergson, ce qu'on a appelé le courant psychologique. Parce que la philosophie est censée être le siège de toutes les connaissances humaines. Puis donc, la psychologie vient de la philosophie. Mais il reste que ça, c'est encore la même chose, c'est encore des forces spirituelles qui se psychologisent, qui se densifient, qui se concrétisent. Puis elles vont avoir rempli leur rôle le jour où on va se rendre compte que c'est le temps de sortir les vidanges, de sortir les poubelles. Oui, donc autrement dit, par rapport à la philosophie, c'est que c'est de l'accumulation de formes. Quelqu'un qui suit un cours de philosophie, c'est qu'il se gargarise de formes extérieures à lui, donc quelque part, il n'est pas créatif, puis il développe rien de nouveau. Il Ben régurgite des non. formes anciennes. Au lieu d'être un inventeur, il devient un bricoleur. Puis c'est là que c'est pas réel. Ça peut pas. Puis là, on voit là, les vieilles forces qui se réactualisent à travers des nouvelles formes, mais c'est les mêmes choses qui reviennent, puis qui reviennent. C'est comme le débat qu'il peut y avoir entre créationnistes, puis les évolutionnistes, entre les gens religieux, puis les gens qui ont ils sont des scientifiques positivistes, là, le positivisme au sens qu'il y avait au 19e siècle, là, qui ont une vision mécanique des choses. Ben, au fond, c'est une vieille forme qui s'attaque à des nouvelles formes, mais c'est les mêmes forces. C'est l'évolutionnisme darwinien, puis le créationnisme des religions abrahamiques est aussi limité l'un que l'autre. C'est le réel est au-delà de ces formes-là. Ça évolue, puis c'est intelligent. C'est tout. Puis il n'y a pas de conflit à avoir, mais c'est un mouvement à travers des vieilles forces, à travers des nouvelles formes qui s'entrechoquent. Mais la plupart, un scientifique là, qui défend le darwinisme comme une réalité oublie que l'évolution de Darwin est une théorie. Il en fait une croyance, il en fait une doctrine, il en fait de la mémoire, il en fait. Puis les débats sont animés, il y a de l'émotivité, ça se crie après. Des fois, ça vient presque au coup de poing. Donc, je le vois, là, les vieilles forces qui ont engendré les guerres de religion qui se transfèrent dans la science, et puis je le vois, le mouvement. La science est une religion psychologique. Actuellement, là, c'est pas pour rien que des grandes découvertes se font par accident. Parce qu'il faut que ce qui est en dehors de la mémoire intervienne. Puis là, ça crée ce qu'ils appellent des accidents, des addons. Ils ont des fulgurances, ils voient quelque chose d'un coup. Les scientifiques, avec la méthode de Descartes, par exemple, ils peuvent contre-vérifier, puis vérifier, mais ça reste du linéaire qui n'est pas créatif. Il devrait servir à réajuster et à vérifier ce qui est arrivé par le créatif. Mais si la science reste doctrinale, mémorielle, et puis ça vient retarder l'évolution de l'humanité, mais d'un autre côté, c'est possiblement pour l'humanité est protégée de ses propres forces à travers la mémoire. C'est de la régulation. Donc, autrement dit, à quelque part, il y a des forces qui veulent pas non plus que l'humanité se développe trop rapidement. Ben, ça va s'autodétruire, ça se développe trop, ça serait pas ajusté. OK, dans le sens que il faut qu'il y ait des nouvelles choses qui soient amenées, mais pas trop vite pour pas que tous les systèmes s'écroulent. Ben non, parce que les individus qui composent les collectifs, la majorité, ont pas les corps pour recevoir l'information. Et ça va créer des mouvements complètement. Ça créerait beaucoup plus de pro ça créerait des problèmes sociaux. Ben, dès que la science amène de nouveaux éléments, vous avez les religieux qui réagissent, ils ont peur. Ils ont peur, c'est certain qu'ils ont peur parce que ces forces-là viennent balayer les anciens. Puis ça se défend, la mémoire, ça va se défendre, ça cherche à se réactualiser tout le temps. Mais si demain matin, certaines choses sont sues par la majorité, il y en a qui ne pourront pas l'assimiler, ils vont capoter. On n'a pas les moyens au niveau des sociétés d'entretenir autant d'aliénés mentaux, des gens qui supportent pas ces choses-là, qui sont pas capables de l'intégrer, puis qui, pour se protéger, vont se réfugier dans du délire. Donc, On peut. autrement dit, si du jour au lendemain, par exemple, des extraterrestres débarquaient publiquement là, de différents endroits sur la Terre, avec l'état qu'on a présent, toi, est-ce que tu penses que les gens sombreraient dans la folie? Ben oui, il y a les gens là qui sont extrêmement religieux, ils vont tout de suite penser que c'est des démons qui se matérialisent, que c'est la fin des temps, puis que c'est les forces sataniques qui donnent le dernier assaut. Puis là, eux autres, ils vont se mettre à être agressifs. Ils disent, moi, je suis avec la milice céleste de Saint-Michel-Archange, puis je le sais que ça, c'est des démons parce que ça a été prédit dans les écrits anciens, puis. Et pour quelqu'un qui est dans la religion, les extraterrestres, ce sont des démons, c'est-à-dire des anges déchus qui se matérialisent pour faire la guerre à l'humanité. C'est tellement polarisé, c'est tellement manichéen, c'est tellement pas intelligent, mais c'est tellement fort émotivement, c'est tellement fort que les gens, ils vont. Si des extraterrestres arrivent demain matin, il va y avoir des chrétiens fondamentalistes puis des gens d'autres religions qui vont vouloir les faire sauter. Les extraterrestres sont en danger, puis les gens eux-mêmes sont en danger. Oui, c'est Puis. sûr qu'il y a des gens qui risquent de réagir ainsi, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui risquent d'être fascinées par les extraterrestres, puis même vouloir leur construire une ambassade, là, donc. Ben oui, là, ça va être des nouveaux dieux, ce qui est encore pire que de les voir comme des démons. C'est encore plus dangereux. Donc, autrement dit, tant qu'on reste dans le mental polarisé, que ce soit de les voir comme des démons ou des dieux, l'être humain, il est pas libre là-dedans, là. Ben, c'est pour ça qu'au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'univers local, supposément qu'il y a une quarantaine, je peux comprendre pourquoi. C'est pour protéger, là. On est en vase clos parce que c'est trop fragile encore. S'ils nous sortent de l'incubateur tout de suite, le fœtus va mourir, va sécher. On est en vase clos pour nous protéger de la réalité. Puis c'est correct. Si ces êtres-là sont intelligents, ils vont rester loin longtemps. Ils vont faire des clins d'œil, c'est tout. OK. Sinon, toi, qu'est-ce que tu penses du fait que depuis le siècle dernier, progressivement, on nous amène de l'information sur la place publique, comme par exemple qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes, et que de plus en plus ils découvrent des exoplanètes à la Terre qui peuvent potentiellement abriter la vie, à quelque part, on dirait qu'on prépare le terrain à la venue éventuelle d'extraterrestres ou d'un contact. Ben, l'être humain, il le souhaite, ça. Puis comme la science est quelque chose d'une religion psychologique, ils vont se créer des sauveurs. Ils vont se créer des êtres, quelque chose qui vient de l'extérieur pour apporter à l'humanité. Puis, mais d'un autre côté, possiblement qu'il y a des êtres extérieurs qui ont des corps matériels qui sont très avancés Et puis, possiblement que collectivement, instinctivement, il y a des choses qui sont sues, mais ça passe par l'intuition. Mais il reste que ça fait partie d'une préparation. Est-ce qu'on n'est pas prêt à apprendre là? Peut-être qu'on va être prêt, puis que ça fait partie du processus qui fait que dans quelques siècles, peut-être moins, là, ça va pouvoir arriver sans qu'il y ait des gros problèmes là, sociaux, là, parce que l'être humain est tellement. C'est surtout les foules. Il n'y a rien de plus stupide que le collectif. C'est incroyable. Les foules, les gens vont faire en foule des choses qui vont être atteints par des choses que jamais seuls. Parce que les forces du collectif drainent de l'individualité. Puis l'être humain n'est pas encore assez individué. Il est encore trop. Une bibitte, c'est une créature de meute. L'être humain. Puis là, il s'agit qu'il n'y en ait un qui capote, puis que la vibration, puis tout le monde vire fou. C'est comme dans les émeutes, là, après les parties de hockey, puis après des spectacles rock. Puis l'être humain est pas capable d'assumer l'énergie lui-même. Oui, ça c'est particulier. Je t'arrête là-dessus juste pour te dire que à Montréal, il y a déjà eu des émeutes, par exemple, parce qu'une équipe va perdre. Mais c'est aussi si l'équipe gagne qu'il va y avoir des émeutes. Donc, peu importe la polarité puis le résultat, il peut y avoir des émeutes. Ben oui, ben c'est de l'énergie qui n'est pas gérée. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça revient au même. Si le résultat va être pareil. Donc, c'est sûr, c'est une aberration de voir des gens qui vont casser parce qu'ils sont heureux ou qui sont malheureux, leur équipe favorite gagne ou perde. Ben, dans tous les cas, c'est des gens qui vont se mettre à casser. Ben, ça fait partie justement de la projection psychologique des collectifs, ces phénomènes-là, parce qu'au fond, les gens qui prennent pour une équipe de hockey, ils prennent pour une vibration, une forme. Parce que les gens qui sont dans cette équipe-là sont tous des étrangers, ils viennent tous de l'extérieur. Au fond, ils prennent pour un symbole, c'est-à-dire une forme qui contient de l'énergie. Mais le fait de prendre pour une équipe d'une ville, c'est pas réel, ça. L'équipe n'est pas représentative de la ville. Elle est pas. Les gens qui sont partisans de sport, il y en a un qui me faisait remarquer ça. Il dit, ils prennent pour des chandails. Ils prennent pour des logos. Ils prennent pour. Mais il n'y a rien de réel là-dedans. C'est juste pour écouler une énergie qui est liée au collectif, puis au manque d'identité, puis d'individualité. C'est tout. C'est une compensation. Donc, autrement dit, la personne qui est fascinée par un logo d'une équipe de hockey, qui développe un sentiment identitaire d'appartenance par rapport à ça, en réalité, il vit une forme de compensation psychologique. Ah oui, il faut que la personne n'ait pas d'identité. Puis au point où ça va être une partie importante de sa vie, ils vont. C'est incroyable. C'est là qu'on parle de la sainte flanelle comme c'est une religion. C'est les mêmes forces. C'est pareil. Oui, ben justement, en lien avec ça, j'avais déjà tombé il y a quelques années sur un article qui relatait que le vocabulaire associé au hockey, notamment au Québec, avait une connotation religieuse. Donc, il y avait comme expression à être intronisé au temple de la renommée, donc pour un joueur d'hockey. Puis la sainte flanelle que tu as relatée, il y en a d'autres aussi. C'était tout avec une coloration religieuse, surtout que. Au Québec, nous autres, on a été colorés pendant plusieurs décennies avec la religion avant la Révolution tranquille, mais en lien avec le hockey, c'était incroyable. Je ne les ai pas toutes en mémoire, là, mais il y en avait vraiment plusieurs. Puis il y avait une étude qui a été faite approfondie là-dessus. Oui, parce que c'est les mêmes forces. C'est pareil pour le nationalisme exacerbé, très émotif, par exemple. C'est comme là, avec l'immigration, on voit naître ce qu'on appelle les identitaires. Mais ces gens-là n'ont pas d'identité réelle, sinon ils ne seraient pas identitaires. Puis là, Mais on est peux-tu définir confronté à de c'est la quoi? mémoire qui vient d'ailleurs. Ouais. Mais il reste que s'il y avait une identité collective réelle, la mémoire qui vient d'ailleurs, à cause de la force de la vibration qui est présente ici, serait obligée de s'adapter puis de s'assimiler, elle n'aurait pas le choix. Mais là, vu qu'on n'a pas l'identité réelle, là, ça prend des identitaires pour faire une réponse à ça. Donc les identitaires, peux-tu les définir? Les identitaires, c'est les nationalistes très émotifs. Ok, C'est ça. comme par S'ils sont exemple, en ouais. réaction. OK, oui, dans le sens que c'est des gens qui sont, ils vivent, mettons, de la peur ou de l'insécurité par rapport aux étrangers. Fait que là, à ce moment-là, ils cherchent. Le pire, c'est que ils ont pas tort, c'est l'interprétation qu'ils en font. C'est le côté réactif qui est pas, à mes yeux, qui est pas intelligent. C'est pas plus intelligent ce qui se réveille quand ça arrive d'ailleurs que ce qui vient d'ailleurs. C'est la même chose, c'est les mêmes phénomènes. Dans le sens, c'est le fait qu'il soit en réaction plutôt qu'en affirmation. Même pas. OK. Si il y a un peuple, une identité réelle, puis qui arrive de la mémoire de l'extérieur, le taux vibratoire, l'autorité réelle, c'est vibratoire. Ça va s'ajuster. Le fait qu'il y a des identitaires, c'est parce qu'il n'y a pas d'identité. C'est quelque chose d'émotif. C'est émotionnel. C'est des contre, c'est des rapports de force. C'est un contre-programme. OK. Parce qu'en réalité, si un peuple avait une identité réelle, il n'y aurait pas vraiment de débat par rapport à l'influence ou l'impact des étrangers parce que tout serait déjà géré. Donc, Ben, les étrangers en arrivant, eux-mêmes, ils seraient dans le mouvement de s'assimiler à cette vibration-là qui est plus forte que la leur. Mais on est dans de l'émotionnel. Donc, il y a de l'émotionnel qui arrive ailleurs, ça réveille de l'émotionnel ici, puis là, c'est de l'émotionnel contre l'émotionnel, puis il y a une polarité là-dedans, alors que c'est tout pareil. C'est les mêmes choses. OK. Et si on en revient par rapport à notre thème d'aujourd'hui, donc l'observation du réel, je voulais quand même discuter avec toi de l'observation vibratoire, dans le sens que, par exemple, je peux être au magasin, puis ça peut me dire intérieurement d'acheter un livre plutôt que d'autres. C'est comme si momentanément, je regarde différents livres, puis lui, il me fait vibrer intérieurement. Donc, c'est comme si je ressens une énergie qui me pousserait à acheter ce livre plutôt que d'autres. Comment toi tu vas expliquer ce type de phénomène? C'est lié justement à une sympathie fréquentielle avec un contenu qui n'est pas connu par l'ego, mais qui est connu en dehors de l'ego. Donc le contenu qui est connu en dehors de l'ego, est-ce que toi tu dirais que c'est le moi réel qui connaît ce contenu-là et qui amène mon moi expérimental à prendre contact avec ça? Oui, mais là, ça dépend. Est-ce que c'est de la vibration liée à de la mémoire affective ou est-ce que c'est de la vibration lié à quelque chose de plus dépollué que ça. Parce qu'on peut être on peut être amené à faire des choix au niveau d'une vibration, puis se rendre compte que finalement, c'était un choix erroné parce que c'était coloré. Ce que tu appelles la vibration astrale versus la vibration mentale. Oui, donc c'est sûr que si je suis dans un magasin, là, il y a peut-être plusieurs milliers de livres là, dans la boutique et qu'il y en a un en particulier qui me parle ou qui me fait vibrer, faut que je vois derrière ça c'est quoi la vibration. Si je vois que la vibration est claire puis dans mes termes est mentale, c'est-à-dire qu'elle est plus haute qu'une vibration astrale, parce que ça m'est déjà arrivé, ou ça peut être aussi des films, tu sais, je vais au club vidéo, puis ça me dit tout de suite intérieurement, je réfléchis pas, loue tel film, tu vas aimer ça. Je vais louer le film, puis je vais adorer ça, puis j'aurais pas réfléchi intellectuellement, puis ça va tomber pile, là. Oui, ben même là, vérifier, dès qu'on est là à se dire est-ce que c'est une vibration astrale ou mentale, il y a du réflectif. C'est tellement subtil, c'est pour ça que à un moment donné, il y a une phase où moi, je fais ce que je pense avoir à faire, puis je me pose même pas la question de la vibration, est-ce qu'elle est mentale ou pas. Je le fais, puis des fois je me rends compte par après que. Mais je finis toujours par me rendre compte que c'était ajusté parce que quand je me trompe, quand vraiment là, je me mets dans le pétrin, j'intègre quelque chose quand même. Je vais pas obéir deux fois à une vibration semblable là, si ça aboutit à. On peut considérer que ça va aboutir à des résultats semblables. Mais ça, c'est pas avec. De la réflexion, le discernement réel, sincèrement, je pense que c'est pas réflectif. Puis pas du tout, même au point où, à un moment donné, mental, astral, ça a plus de sens. Oui, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'après tout, ça demeure à des catégories intellectuelles. Par contre, le point, c'est de mettre des mots sur un ressenti, parce que dans certains cas, le ressenti est plus élevé, il est plus vibrant, il est plus dynamisant, puis d'autres plus bas. Moi, c'est ça, j'utilise ces catégories-là pour m'approprier la perception d'un ressenti. Ben oui, pour l'échange, on a besoin de concepts. Et c'est ça, souvent, là, ce qui arrive, cet apprentissage-là, souvent, je vais faire un mauvais mouvement, puis je vais me rendre compte parce que je l'ai réfléchi, puis j'ai pensé que c'était bien, puis par après, je me rends compte que je savais dès le départ que c'était pas ça. Je le savais, mais je croyais que. C'est ça l'affaire, la différence entre. C'est un peu comme. Un cheval qui rentre dans un abattoir, puis il sent le sang du cheval qui l'a précédé, il sait au fond de lui-même qu'il va mourir, qu'il va se faire tuer, mais il croit que la personne qui est devant lui est là pour prendre soin de lui, donc il est passif, puis il se laisse faire. C'est là où l'être humain, par rapport là, à regarder par la vibration, il est en train de développer quelque chose qui est du discernement. Du discernement, tout simplement, parce que un cheval ou un chien est aussi vibratoire qu'un être humain, au niveau de sa perception, même peut-être plus, parce qu'il n'y a pas le psychologique. Mais c'est juste de développer un discernement. Et puis, pour faire, si on peut dire entre guillemets, le bon choix, il faut faire des erreurs. Ça fait partie du discernement. Faire une erreur en sachant qu'on savait que c'était une erreur, mais qu'on croyait que c'est tout. Oui, mais pour en revenir à notre sujet, c'est-à-dire que pour moi, de faire une évaluation pour voir si derrière, par exemple, acheter un livre, la vibration est astrale ou mentale, c'est pas nécessairement une réflexion dans le sens que si je suis juste au niveau du ressenti sans en faire une articulation intellectuelle, bien à ce moment-là, pour moi, c'est juste de sentir si le courant va plus à gauche ou à droite, tout simplement. Ah ben oui, mais des fois il peut avoir une vibration, si on peut dire mentale, mais qui est colorée par de l'astral. Ça Oui. arrive. Ben même c'est souvent ça. Ou ben il va avoir une vibration astrale, puis là il y a une correction qui se fait pendant le mouvement qui est mentale, qui fait que tout d'un coup on se fait des mesmériser d'un coup. Puis c'est là que c'est subtil. Je vois pas au niveau de tout ce qui est important, au fond, c'est d'observer. De l'observer, puis c'est avec le temps. C'est ça l'intégration. On est pris dans le temps, puis dans l'espace. Puis c'est ça, d'observer ce qui se passe. Avant, pendant, après. Parce que c'est tout du présent. Je suis en observation dans le présent, avant, il y a un pré puis après ça, je suis en train d'acheter la chose, je suis encore en observation, puis une fois que je l'ai acheté, puis je l'ai lu, je suis encore en observation. C'est tout le temps l'observation en temps réel, même s'il y a un avant, un pendant, puis un après. Puis, par rapport au mouvement qu'il y a derrière ça, c'est ça, d'intégrer pourquoi, comment ça, puis pas nécessairement de l'intellectualiser le pourquoi puis le comment, mais de voir qu'il y a eu un mouvement, que ça s'est présenté de telle façon, puis qu'on a redonné un mouvement, que ça a donné tel résultat. Mais si je suis pas tout le temps la vibration mentale parce que j'ai de la crainte. C'est la crainte qui est. Puis souvent, on va suivre des vibrations qu'on peut dire astrales parce qu'il y a de l'attente, puis il y a de l'enthousiasme. Puis on va arrêter un mouvement qui est lié à une vibration mentale parce qu'il y a de la crainte puis de l'appréhension. Fait qu'au fond, la clé de tout ça, c'est l'objectivité, sortir d'une certaine subjectivité. Quand j'ai de la crainte, je l'observe. Je l'observe tout de suite, c'est de la peur qui est réfléchie. Puis la peur, c'est quoi? C'est de l'appréhension d'un inconfort parce qu'il va y avoir un changement vibratoire dans l'événementiel. Puis, on dit la mémoire va tout le temps vouloir chercher à conserver un état qui est précédent, si on peut dire. Bien, heureusement que nous sommes forcés d'évoluer parce qu'il n'y en aurait pas d'évolution. Il n'y en aurait pas du tout. Puis, ben non, c'est juste ça, c'est de voir est-ce que tel mouvement, à l'idée de tel mouvement, est-ce que je me sens énergisé? Mais là, est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est parce que je suis fasciné par quelque chose? Est-ce que le fait de faire tel mouvement m'engendre de l'appréhension, puis de la crainte, puis là, de l'observer, de le regarder? le plus possible, là, en temps réel, au moment où ça arrive. C'est maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait parce que j'avais la vibration mentale pourtant, puis je savais, mais j'avais de la crainte qui m'a bloqué pendant le mouvement. Puis pour intégrer ça, il a fallu que je souffre de mon mouvement après. Puis c'est toujours comme ça, ben c'est ça l'expérimental au fond. Puis, mais c'est d'observer, c'est quasiment plus, c'est non seulement d'observer ce qui se passe en temps réel, mais la phénoménologie, puis mais pas une phénoménologie au sens là, de psychologique ou philosophique, mais c'est quoi le mouvement derrière ce qui se concrétise là-dedans? C'est quoi qu'il y a derrière ça? Pourquoi? Mais c'est pas un pourquoi. C'est pas un pourquoi. Un pourquoi, genre Intellectuel. pourquoi. C'est ça. C'est pas un pourquoi puis un comment. L'important, c'est pas ce que je peux conceptualiser puis comprendre psychologiquement. C'est ce que je peux voir en temps réel. Que ça, je le vois puis je sais que je le sais. J'ai pas à croire que je le sais. Ça, c'est ça. Exactement. Mais sans ça, tantôt, tu as fait allusion à quelque chose que je trouvais intéressant, c'est-à-dire le fait que, à quelque part, l'ego a comme un mécanisme de défense pour rester dans un état d'homéostasie, c'est-à-dire maintenir le statu quo avec des mémoires anciennes qui fait que s'il y a un mouvement à faire, il peut vibrer à la peur parce qu'il sait très bien que s'il fait le mouvement, il passe à un autre niveau vibratoire. Puis, quelque part, son ego ou son orgueil qui veut maintenir le statu quo va empêcher ça. Oui, la mémoire se défend, si ça fait partie de sa nature de se réactualiser. Puis ça va se défendre. Puis l'être humain, ce qu'il aime pas, c'est l'inconfort. L'inconfort de la transition. Puis c'est normal, mais ça fait partie de la personnalité, ça. Ça régule la personne. Ça vient gérer à la place de la personnalité va gérer à la place de la personne. Parce qu'il y a de la mémoire qui va créer de la. C'est comme si la mémoire vient empiéter sur le mouvement, là. Ce qui est enregistré dans l'expérimental va vouloir chercher à se préserver. Puis c'est pour ça que si l'être humain, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas d'inconfort, il n'y avait pas rien, il évoluerait pas. Et ça serait resté. Toujours pareil, la même chose tout le temps. Il faut que c'est un peu comme si il faut évoluer malgré soi. Il faut que ce soit malgré soi. Il faut que ce soit quasiment contre ce qui pollue l'ego. C'est difficile de le verbaliser ça. Mais à chaque fois que j'ai fait un pas en avant, c'était pas une décision. Puis je m'en suis rendu compte par après. Je dis, ah, c'était correct. Ça finit qu'on regrette rien. Ben, souvent les gens ont à faire face à des résistances qui cherchent à les maintenir dans une attitude avec des mémoires en lien avec le passé. Et souvent le défi, c'est d'être capable de mettre un pied dans le vide, donc faire quelque chose de nouveau qui vont sortir la personne des mémoires du passé. Et c'est souvent insécurisant. Donc, autrement dit, ça devient normal à ce moment-là que la personne ait des résistances à évoluer, là. Ben souvent, ça va juste ralentir. Ça va pas bloquer totalement. Il y en a qui bloquent totalement, mais c'est parce que de toute façon, ils n'ont pas accès à ce qui viendrait après. Mais moi, je vois juste de la régulation là-dedans. C'est un peu comme pour que le tape cassette avance pas trop vite. Que si ça devient pas qu'on ne voit plus rien. Là. Parce que sinon, s'il n'y avait pas. La crainte, c'est d'une protection quelque part. C'est de la peur, c'est pour ce qui est déjà là, cherche à se protéger, mais au fond, c'est très subtil, mais je vois pas de force réellement. Je vois pas de quelque chose qui est contre l'humain tant que ça là-dedans. Le véritable complot là-dedans, c'est l'ego contre lui-même. C'est l'être humain qui se retarde lui-même tout le temps. Puis là, on essaie encore de voir ça, qu'on met ça à l'extérieur. Puis là, il y a des forces qui se défendent. Puis là, qui veulent. Moi, je vois pas de. On dirait que c'est nous-mêmes. On est notre propre ennemi. C'est l'ego qui est. C'est. La personnalité est quelque part l'ennemi de la personne en même temps qu'elle la protège. C'est Mais comme un. oui, mais en lien avec ça, toi, tu donnerais pas d'importance à des gens qui vont parler de forces sataniques, luciférienne et autres anti-hommes qui viseraient à empêcher l'émancipation psychique de l'humanité puis son développement. Il n'empêche pas l'émancipation, c'est de la gestion, c'est juste qu'ils gèrent à notre place, c'est là que c'est extérieur, puis que si on peut le voir comme le satanique, puis le luciférien, pour moi, c'est des lois concrètes. C'est de la domination, l'être humain est dominateur parce qu'il est encore dominé, puis c'est de la gestion. Mais le problème, c'est que c'est pas, ça vient d'en dehors. Mais l'affaire, les gens, s'ils se mettent à parler de Lucifer puis de Satan, je vais pas me dire, tu te dis, tu n'accorderas pas d'importance. Oui, je vais accorder de l'importance si je vois au-delà de la forme de ce qu'ils disent. Ça parle à travers le monde. Il y a quelque chose qui s'exprime à travers ces formes-là, puis il y a tout le temps une réalité derrière les formes, il y a quelque chose. Mais c'est juste que je vais en tenir compte, mais c'est important, ben, je m'en fais pas avec ça. Je vais pas rejeter d'un coup ce que quelqu'un dit parce que Lucifer et Satan sont dans le décor, à moins que je vois que c'est juste du mémoriel. Si l'on me parle des hordes sataniques, puis la guerre là, avec les archanges, puis le péché originel, puis des choses comme ça, puis que je vois que la personne est dans les formes, mais que ça n'a pas rapport avec ce qu'il y a au-delà de ça, ce qu'on pourrait appeler les mystères, ce qui n'est pas réel. Ben là, je vais me désintéresser, c'est pas que je vais. Ça me conviendra pas, là, vibratoirement, ça m'intéressera pas. Si un chrétien évangélique commence à me parler de Satan, ça m'intéressera pas. C'est un chrétien évangélique, c'est de la mémoire. Y a rien de nouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose que je vois puis que je voyais pas. Si, ou que je voyais, mais que je savais pas que d'autres le voyaient. C'est pour voir ce que l'autre dit quand j'écoute quelqu'un. Puis là, il va avoir. Je dis, ah oui, ça oui. Ça oui. Mais même ceux qui sont complètement fanatisés, ils disent des grandes vérités. C'est pour ça que je viens, que j'écoute plein de monde complètement différent. J'écoute des imams, j'écoute des rabbins, j'écoute des ésotéristes, j'écoute des voyantes. Je crois rien, puis je donne pas d'importance, mais je regarde, j'observe. Oui, et c'est sûr que j'imagine fondamentalement, tu t'écoutes d'abord dans le sens, écoute, tu donnes la priorité à ton ressenti. Ben, je suis dans l'observation. Puis même là, est-ce qu'il y a un ressenti? Je sais pas. À mes yeux, c'est à part, c'est compartimenté. Le point d'observation est neutre, puis le ressenti est dans la personnalité, si on peut dire. Des fois, ça arrive que je me dis, voyons, il y en a un rabbin là, qui expliquait que si on se coupe un cheveu d'une tempe, ça contrevient aux lois, puis ça correspond à prendre deux bouchées de porc. C'est complet. Ce que je vois là-dedans, c'est des forces régulatrices fanatisantes. Ça en est à mes yeux, là, ça en est ça, des forces sataniques, des idées comme ça qui sont totalement délirantes à mes yeux. Mais il reste que ce rabbin-là, il a accès à quelque chose quand même. Il voit des fois, il me sort des choses, là, je suis très surpris. Je suis très surpris tellement c'est intelligent. C'est au sens où ce qui est intelligent, c'est intelligent, c'est tout. Puis le reste, là. OK. Sinon, pour ce qui est de l'observation, il y a plusieurs aspects que l'être humain peut observer chez lui. Tu sais, il y a la dimension physique, il y a un corps. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle, donc les émotions qu'on peut ressentir. Et il y a aussi, bien entendu, la dimension intellectuelle, le monde des idées. Et en terminant, il y a aussi la dimension plus vibratoire. Et toi, par rapport à ces différents aspects qui se rapportent à l'être humain, est-ce que pour toi, ces aspects-là doivent tous être pris en considération? Oui, ce sont les différentes faces d'un même solide. On se parlait à l'aspect psychologique, émotionnel, vibratoire, physique avant ça. Oui, exactement. Ben, je vois dans ça, c'est important d'en tenir compte de chaque aspect parce que c'est d'en tenir compte pas psychologiquement, mais permet de se rendre compte qu'il y a une multidimensionnalité qui se manifeste à travers une dimensionnalité. Comme si tous les plans étaient présents dans un espace de manifestation qu'on appelle la perception. Oui, exactement. Donc, ça équivaut à prendre en considération les différentes facettes de la réalité. C'est ça. Oui, puis les réalités, c'est parce que c'est comme si on réfléchit la multidimensionnalité. Il y a juste le réel, mais ça devient des réalités à travers la perception. Exactement. Sinon, je voulais avoir ton point de vue sur la physique quantique, parce que certaines personnes qui vont dire que le simple fait d'observer, par exemple, de la matière va avoir un impact sur la matière. Donc, apparemment, il y aurait eu des expérimentations faites dans le domaine de la physique quantique qui en viennent à la conclusion que le simple fait qu'un chercheur fasse des observations de la matière pour modifier et interférer sur le comportement de la matière observée. Donc, qu'est-ce que tu en Ben oui, penses? Oui? c'est une évidence. C'est une évidence parce que la matière, c'est une densification de quelque chose. L'observateur, lui, son observation, il agit dans le subtil. Donc, ça va agir sur la matière. C'est clair, la matière agit sur... Ça part de partout en même temps. Donc, oui, moi, je suis parfaitement d'accord avec le fait que l'observateur influence ce qu'il observe. Ça fait partie de... Il n'y a pas de division entre lui et ce qu'il observe, c'est lié. Oui, donc autrement dit, ça veut dire que par exemple, le simple fait d'observer quelque chose, comme par exemple de l'eau, il y a d'ailleurs le docteur Emoto, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui aurait dit que le simple fait, par exemple, d'avoir une intention lorsqu'on observe de l'eau va faire en sorte que l'eau va être polarisée par cette intention par la suite. Ben oui, ben, il fait juste essayer de démontrer ce qui était su en théorie avant, comme le marquis de Puységur et puis les gens qui touchaient à ce qu'on a appelé le magnétisme. Il magnétisait de l'eau puis il la donnait à des patients. Il y avait certainement un effet placebo, mais ça revient au même. C'est-à-dire que l'observateur, par sa perception puis où il se positionne, va influencer la matière. Comme s'il était lui-même l'effet placebo qui vient influencer quelque chose dans ce qu'il observe. Donc, Donc, ça. autrement dit, par exemple, le simple fait d'observer une partie d'hockey peut interférer sur le résultat, de la partie d'hockey. Ils en semblent convaincus. Oh! J'ai un voisin ici là, qui crie à sa télévision, là, je le sais quand il y a du hockey. Et OK. je pense qu'il croit sincèrement que ça a une... Pas une ben, il va pas l'intellectualiser, mais il y a probablement de ça. L'idée d'encourager une équipe, c'est donner de l'énergie. C'est risque que c'est ça. Puis, même si en Europe, là, par rapport au foot, il y a des rituels magiques d'associés à ça. Puis, on voit là... au fond, c'est... L'être humain n'a pas encore intégré certaines lois, donc il n'est pas arrivé à une certaine science de ces phénomènes-là, mais ça n'empêche pas qu'il a toujours été praticien de ça. Il a toujours influencé. Il se sert d'outils qu'il connaît pas, qu'il ne connaît pas. C'est là que ça devient des. C'est encore spiritualisé un peu, là. Je pense à le japonais qui a fait des expériences avec de l'eau, les molécules. Il va prendre des mots comme amour ou compassion, pour essayer de voir si ça a une influence sur la structuration moléculaire de l'eau. Juste par ça, on voit encore l'influence des formes mémorisées. Comme en Asie, vu le bouddhisme, bon, l'amour, la compassion, c'est certain que ça commence à poindre. L'être humain va découvrir des choses qui le dépassent, mais dont il se sert depuis des millénaires. Mais il va l'intégrer tout simplement. C'est un peu comme si on se servait d'un outil sans le voir. On voit l'effet, mais on ne comprend pas encore l'outil. Puis c'est là que ça risque d'aboutir à une science réelle, mais il ne faut pas que ça aille trop vite. Parce que il est possible au niveau de ces lois-là, d'en faire des armes, des guerres. Oui, exactement. Donc, mais ça devient quand même intéressant de justement être capable d'utiliser sa capacité d'observation dans le quotidien pour améliorer concrètement son sort dans la vie de tous les jours. Donc, c'est sûr que à ce Ben, niveau, oui. c'est malsain si ça bloque le mouvement concret de l'action. Ça Oh. serait retomber dans la pensée magique. C'est ça que je dis, on est encore dans le magique un peu. C'est pas encore une science concrète. Si, par mon observation, je pense que je vais améliorer mon sort juste par ça, puis que ça, parce que je me fie à ça devient de la croyance, puis que ça fait que je suis dans l'attente de résultats, puis que cette attente-là me bloque dans une stase, dans que ça me bloque dans une inaction, ben là, c'est pas créatif. C'est-à-dire que la subjectivité humaine, puis la mémoire vont servir à retarder l'intégration d'une science qui pourtant est réelle. Parce que c'est pas le temps, la personne n'a pas la maturité de. Si je peux pas, juste par mon observation, avoir des résultats concrets, très, très pratiques, puis très évidents, c'est parce que j'ai pas la maturité encore. Donc, je peux pas l'intégrer. Là, c'est trop haut. Ça vibre trop, ces lois-là vibrent trop haut pour être encore intégrées par la conscience. Donc, les gens retombent dans des compensations, des palliatifs pour pouvoir continuer à se servir quand même de. Ça fait partie de l'apprentissage, si on peut dire, là, de l'humanité. Oui, mais que la personne en soit consciente ou pas, ces lois-là s'opèrent aussi malgré les gens, dans le sens qu'ils ne s'en rendent pas compte de l'impact de l'observation sur la réalité. Et c'est sûr que le point que je veux en venir, c'est que c'est sûr que les enregistrements que je fais avec toi s'adressent à des gens qui ont un certain cheminement, là. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui ont une certaine maturité psychique, qui vont écouter l'enregistrement, ce serait de voir qu'est-ce qui peut leur être conseillé par rapport à eux autres en vue d'intégrer dans leur vie de tous les jours, le principe de l'observation pour agir sur le réel. Donc, Ben, dès qu'il y a plus de présence, il y a plus de résultats, tout simplement. C'est pour ça que l'affaire des conseils, je viens tout le temps, ça me bloque un peu l'idée de donner des conseils. La personne, il faut que la personne s'en remette à rien qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que les conseils, j'ai de la misère avec ça, ou les recettes. C'est juste, la personne doit elle-même traiter son expérimental comme étant de l'expérimental, puis l'observer, c'est tout. Moi, je vois pas, j'ai jamais eu d'autres recettes puis de conseils que d'observer, d'avoir de la présence beaucoup, puis d'observer, puis de pas trop conceptualiser ce qui se passe, de vouloir voir, de voir ce qui se passe. Puis je vois pas comme. Il y en a qui font des exercices pour la télékinésie, ces choses-là. Puis souvent, si je vais m'exercer à certaines choses, je vais obtenir un résultat, puis ensuite, je n'obtiens plus aucun résultat. Comme si le but, au fond, c'était de me montrer que le phénomène est réel. Puis par après, je ne peux pas vraiment m'en servir. C'est pas important. C'est pas assez. Je suis pas en. Je peux le voir. Mais le fait de m'en servir, c'est peut-être que ça me nuirait. Ça viendrait créer du remous là, dans mon expérimental, qui est déjà défini là, probablement. Mais ça me fait un clin d'œil, comme quoi qu'il y a du réel là-dedans. Puis, mais là, de là à vouloir, si il fallait que demain matin, de toute façon, il doit en avoir des gens qui ont des facultés réellement surprenantes, mais ils ont l'intelligence de pas le démontrer. Parce que quelqu'un qui fait ça, c'est un peu comme les extraterrestres qui arrivent, ça met en danger toute la civilisation. Il y en a, ils vont capoter. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont fragiles sur le plan psychologique, que s'ils verraient une autre personne faire la télékinésie, donc faire déplacer à distance des objets, ça pourrait les fasciner, puis ils pourraient même mettre ces individus-là qui ont ces capacités sur un piédestal, en faire des sortes de dieux vivants et créer des religions et des sectes en lien avec eux. Oui, puis dès qu'on donne de l'importance à ces phénomènes-là, ça nous coupe de certaines capacités. Il y a certains, pour produire certains phénomènes, il faut complètement être détaché, sauf au niveau d'une observation de ce qui se passe, mais pas donner d'importance à ça pour s'émerveiller. Il y en a, ils sont beaucoup dans l'émerveillement, le merveilleux. Puis ça, c'est encore des, ça vient réguler, ça fait partie de l'immaturité. Le merveilleux, l'émerveillement, ça fait partie de l'immaturité qui vient démontrer, ben, c'est pas le temps. C'est le temps d'observer, mais c'est pas encore le temps de l'avoir en main puis de s'en servir. Parce que l'affaire de l'émerveillement, c'est un mouvement souvent lié à de l'enthousiasme au niveau de l'ego subjectif qui le relie au plan astral, puis qui va colorer, puis va l'amener dans le corps de désir. Ben, c'est de l'or. C'est l'animalité qui devient animique. Exactement. C'est sûr que pour être honnête avec toi, quand j'ai entendu parler du docteur Imoto, qu'on parlait tantôt, ce japonais-là, il y a beaucoup de vidéos sur lui sur Internet, là, donc les gens vont pouvoir facilement retracer ses expérimentations où il faisait, par exemple, jouer de la musique, et là, ça amenait une certaine configuration de l'eau. Ensuite, des intentions de conscience, ben quand je regardais ça, moi, ça m'a comme émerveillé en disant, ah, ben je pourrais bénir mon eau, puis je pourrais avoir des intentions de mettre de la joie dans l'eau, ma nourriture que j'absorbe, puis toutes ces choses-là. Puis en même temps, ben, ça me dit intérieurement, ben tu passeras quand même pas tes journées à faire ça au lieu de t'occuper de ta vie, tu sais. Ben, c'est ça, ça coupe de l'action concrète parce que c'est comme si on voulait sauter des étapes, là. Puis ça devient. Mais il reste que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que la perception, puis que nous émettons des fréquences, puis que tout est fréquentiel, que tout est vibratoire, que nous émettons des ondes, puis que ça agit sur les structures densifiées. Mais c'est sûr, c'est intéressant de savoir ça dans le sens que, mettons, quelqu'un qui est atteint d'un cancer en phase terminale, s'il sait que quelque part il émet des ondes, puis le fait d'observer sa maladie avec une certaine intention pourrait avoir de l'impact dessus, ben c'est sûr que par rapport à sa survie, voire même la possibilité peut-être de prolonger sa survie si la personne est capable de se rééquilibrer énergétiquement, ça devient intéressant là, à un certain niveau. Ouais, ça doit être visible, admettons que ça serait fait sur un grand nombre de personnes, de les aider à intégrer certaines lois avec un grand nombre de personnes, ça serait probablement que les résultats seraient visibles au niveau statistique. Mais par rapport à l'individu, il y a des gens que ce qu'il faut qu'il arrive, c'est qu'ils crèvent, qu'il y ait le cancer, qu'ils souffrent, puis ils meurent. T'sais, ça fait partie des. C'est même comment qu'on leur enseigne, il y a des gens que peu importe ce qu'ils intègrent, ça va arriver. Parce qu'à un Exactement. moment donné, leur job est fini. Ce qui est, ce qui, c'est, les lois sont pas humaines au sens où nous, on les voit. Puis ce qui est plus ajusté, des fois, c'est de souffrir, puis d'être malade, de souffrir, puis de mourir. Ça a l'air terrible, ce que je dis là. Mais eux, après ça, ils servent à d'autres à intégrer quelque chose d'encore plus subtil parce que des gens qui sont au courant de ces choses-là, qui ont des grandes facultés, démontrent par leur expérience que ça empêche pas, ça peut pas, ça empêchera pas, certaines lois d'opérer. Puis même s'ils ont aucun doute, même si ça change rien, ça change absolument rien, il y en a qui vont être, peu importe le niveau d'intégration de ces lois-là où ils sont rendus, ils vont tomber malades, ils vont souffrir, ils vont mourir. Il n'y a rien à faire. Mais, comme je dis, ça c'est au niveau individuel, c'est du cas par cas. Mais au niveau là, sur un grand nombre, je suis certain que si on ferait l'expérience, puis on verrait des résultats au niveau statistique. Mais ça prendrait peut-être des milliers de personnes. Oui, exactement. Sur l'impact de l'observation, c'est sûr que dans le domaine de la croissance personnelle, il y a beaucoup la visualisation qui est mise en valeur avec des gens qui vont dire pratiquer de la visualisation pour favoriser votre santé à chaque jour et ainsi de suite. Mais c'est sûr que C'est oui. de la magie. Oui, Ils dans créent un des sens. formes, ils mettent en vibration des formes dans le subtil pour. C'est ça. Moi, je vois rien de. Je trouve ça très bien. La visualisation, c'est quelque chose que je pratique pas, mais j'ai rien à dire contre. Exactement. C'est une forme. Au fond de la magie, c'est quoi? C'est une science effective dont on ne connaît pas les lois encore, donc qui n'est pas encore une science. C'est tout. C'est ça de la magie. Dans le sens que ça échappe à la compréhension de l'ego intellectuel. Oui, mais on voit que c'est effectif. C'est de la technologie subtile. Exactement. C'est sûr que je vais juste réajuster mon propos pour pas que les gens qui écoutent l'enregistrement interprètent mal mon propos. C'est sûr que s'il y a des gens qui sont atteints du cancer, je vous dis pas là, de lâcher votre traitement de cancer conventionnel avec de la chimiothérapie pour faire de la visualisation. C'est simplement que dans certains cas, il y a des gens qui vont utiliser ça ou d'autres types d'observations en vue d'améliorer leur état d'être, mais je remets aucunement là, en question ici les traitements scientifiques conventionnels. Ben, tu as le droit de ce qui est surprenant selon le côté législatif. Si on parle de des guérisseurs, par exemple, qui utilisent des techniques qui sont pas de la science officielle, c'est parfaitement légal de le faire tant que ça met pas en danger autrui. Mais les vrais problèmes commencent si c'est efficace. C'est les guérisseurs qui guérissent qui se retrouvent en cour pour pratique illégale de la médecine. Mais il reste que c'est pas l'affaire de lâcher un traitement pour un autre. Mais au vu que c'est peut-être possiblement là, ça peut être combiné, là, il y a moyen d'avoir des traitements de chimio tout en faisant de la visualisation. Oui, exactement. Il y avait Guy Corneau qui allait dans ce sens-là, parce que lui, c'est un psychanalyste qui a écrit beaucoup de livres. C'est sûr qu'il est mort du cancer, mais quand même, il avait développé une approche où il a fait des traitements conventionnels, puis en parallèle avec ça, des traitements lorsqu'il parlait même à ses cellules pour les visualiser, puis fait que ça lui a donné certains résultats parce qu'après tout, il y a une rémission au niveau du cancer. Par contre, il a fini par mourir du cancer, mais comme tu disais tantôt, il peut avoir des programmations qui sont au-delà du désir subjectif de l'ego de guérir de la maladie. Puis même si la personne est très consciente, ça garantit pas pour autant qu'elle va se guérir de la maladie, là. C'est certain, parce que c'est ça, il y a des lois au-delà des lois, les lois, c'est un peu comme si on avait une marge de manœuvre, mais dans un cadre restreint, en tant qu'ego. Exactement, parce que après tout, si je pense à Bernard de Montréal, qui a été un grand initié, il est quand même mort, du cancer. Oui, puis. Même par ça, il enseigne quelque chose. Moi, je trouve ça très utile. Je trouve qu'il y a une utilité à ça. Oui, c'est clair parce que le fait qu'il est mort d'un cancer, ça a amené beaucoup de personnes qui l'entouraient, qui le mettaient sur un piédestal, à réaliser qu'il y avait une dimension humaine à sa vie, dans le sens que des gens qui étaient fascinés par lui pendant des années de temps, ils s'imaginaient qu'après avoir été fascinés par Jésus de Nazareth, là, ils tombent fascinés par Bernard, puis Bernard pouvait ci, Bernard pouvait ça, mais là, de réaliser le fait brutal que il est mort d'un cancer, ben ça les a amenés à arrêter à quelque part de le mettre sur un piédestal puis à l'idéaliser, là. Oui, parce que ce qui a apporté d'utile, le mettre sur un piédestal, ça en fait une nuisance. Exactement, parce que des gens qui le voyaient comme un dieu vivant, là, qui allait devenir immortel, puis il pouvait pas mourir du cancer parce qu'il était fusionné, puis tu sais, un peu plus, les gens, ça allait s'imaginer qu'il allait se dématérialiser puis rematérialiser à volonté, tu sais. Ah oui, et puis là, l'affaire là-dedans, c'est que, en plus, Bernard disait, quelqu'un de conscient ne fait pas de cancer. Mais Bernard savait que la conscience, ça vient de dehors. Donc, ça fluctue. Des fois, je suis très, très conscient, puis ça dure un temps, mais le reste du temps, j'en ai pas, là, de. Donc, ça n'a rien à voir, au fond, avec l'intégration. C'est d'autres lois, puis même des lois qui vont au-delà de ce que peut-être. Il fallait que ça arrive comme ça parce que Bernard serait devenu quelqu'un d'extrêmement dangereux à cause de l'interprétation subjective des gens qu'il met sur un piédestal. Il serait devenu réellement quelque chose qui allait être réinterprété, qui allait devenir de la fascination. Puis peut-être au fond que tout ça, c'était peut-être reçu par lui qu'il allait finir par mourir d'un cancer, mais que quand même, à l'époque, il disait, quelqu'un de conscient ne fait pas de cancer, parce que justement, ça, pour pas annuler ce dernier renseignement-là, peut-être. Mais par rapport Qu'est-ce à ce que tu viens de dire, il faut mettre ça en contexte parce que j'ai déjà écouté un enregistrement réservé aux séminaristes où il était question qu'il y a différents types de maladies. Il y en a des maladies, c'est sûr que c'est lié à, par exemple, un manque de gestion émotionnelle. Puis, tu sais, on va dire, ah, quelqu'un développe des maladies de manière psychosomatique. Mais ça peut être lié aussi, il y a d'autres variables, justement, de ce que je comprenais, de ce qu'il disait, qui dépassaient. L'individu, ça revient un petit peu ce que tu... C'est Ouais. toujours utile. Ça sert. Quand je suis malade, je suis pas en colère, c'est très rare, mais ça m'arrive, je suis malade, là, j'ai eu une grippe qui a duré 2 semaines. J'ai aucune colère, aucune. Il y a probablement une transition dans le subtil qui se fait par la maladie. Ça, je suis certain que. Voyons. Je suis certain que ça sert à quelque chose. Il n'y a pas de Okay. problème. Non, ben dans le sens que ce qui peut, c'est, il y a probablement, il y a des gens qui évoluent à travers la maladie. Peut-être que Bernard, là, il était rendu qu'il fallait que ce soit comme ça par rapport à ce qui allait se passer, là, au-delà de la matière. Il fallait que ça arrive comme ça. À un moment donné, je me souviens d'un enregistrement, il dit, bon, ben là, je vais tomber malade, puis je vais mourir. Puis les gens, ça a dû leur donner une claque, mais en même temps, il leur dit, je suis écœuré de la cinquième race, de toute façon, je suis écœuré de la Terre. Quelque part, ça, possiblement qu'il est mort parce que sa job était finie. Exactement. Donc probablement qu'il avait ressenti que la forme était finie. Donc à ce moment-là, ça y prenait une porte de sortie. C'est sûr qu'en tant que porte de sortie, disons d'un certain point de vue, c'est plus socialement acceptable de mourir d'un cancer que de se suicider, par pendaison, là. Ben, une chose que j'ai fini par, dessous, je suis persuadé, là, puis le pire, ça vient contredire Bernard. Quelqu'un de conscient peut faire un cancer. Mais quelqu'un de réellement conscient ne peut pas se suicider. Pour les raisons qu'on voit habituellement, là. Quelqu'un qui serait tanné de la Terre, puis qui est à, il se suicidera pas pour ça s'il est conscient, même s'il est tanné. Là, c'est différent. Quelqu'un qui a des grandes souffrances physiques, qui voit que c'est inutile, puis suicide, c'est pas le même genre de suicide. Oui, ben Mais. on a d'ailleurs Mourir dans dignité au Québec, là, qui a été une commission d'enquête qui a donné la possibilité aux gens qui vivent justement des grandes souffrances légalement de pouvoir être dans le fond médicamentés puis mourir avec un accompagnement médical, là, ouais. Ben, c'est là qu'on voit qu'il y a. Il y a une certaine hypocrisie au Québec parce que des gens qui ont été euthanasiés, moi j'en ai vu avant que la loi passe. C'est-à-dire que au niveau des soins palliatifs, à un moment donné, on va donner des surdoses de morphine que le médecin le sait que ça va complètement brûler le système digestif puis que la personne, il lui reste 2 semaines à vivre, il cessait d'alimenter la personne puis la mettait sur soluté. C'est de l'euthanasie. Puis ça fait des décennies que ça se fait. C'est Oui. juste que ils ont voulu le concrétiser dans des lois pour des raisons d'acceptation sociale, vu la nature psychologique de la population. Mais techniquement, ça fait longtemps qu'il y a de l'euthanasie. C'est juste au niveau législatif, éthique, ils appellent pas ça de l'euthanasie. Mais moi, à mon opinion, là, que j'assume parfaitement, là, à mes yeux, ça fait des décennies qu'on euthanasie les cancéreux au Québec. Oui, ben c'est sûr que sur le plan de mon expérience personnelle, moi, mon père est décédé du cancer en 1998. Puis ce que je peux te dire, c'est que lui, il était rendu en phase terminale, il avait des soins palliatifs. Puis avec le temps, ben c'est sûr que vu que le cancer était rendu généralisé, ça occasionnait beaucoup de souffrances, mais il augmentait le dosage de la morphine. Donc, il est probablement décédé lié à une overdose de morphine plutôt que le Oui. cancer en tant que tel, là. Puis moi, je trouve ça bien correct, là, parce qu'après tout, le Ah cancer lui oui. occasionnait des souffrances, puis... Il était rendu alité. Fait que pour moi, c'était complètement logique. Mais ça a été une forme d'euthanasie officieuse. Tandis qu'aujourd'hui, ça sera officiellement avec un papier médical puis tout ça. Ben oui, parce que là, justement, Peut-être que la population est plus mature pour accepter la réalité. Parce que c'est certain, il y a encore qui est-ce qui s'est élevé contre ça? C'est des gens très catholiques ou de d'autres religions qui se sont indignés de ça. Puis pourtant, ça se fait depuis longtemps, puis ils s'indignaient pas. Et il s'est dit, c'est là qu'on voit là, que c'est une question d'être ajusté à la sensiblerie, si on peut dire, des gens en général. Parce que ces gens-là là, qui disent non, il faut, c'est voulu par Dieu, puis il faut souffrir, puis il y a encore le côté masochiste spirituel là-dedans, qui est un manque réel d'amour puis de compassion. C'est un manque réel d'amour puis de compassion parce que ces gens-là sont dans la transcendance, comme quoi il faut gagner son ciel. Puis ça, c'est toutes des choses qui vont finir, j'espère. Ben, j'espère, ça, j'ai pas d'espoir, mais c'est souhaitable, ça va s'en aller tranquillement. Mais il reste qu'il a fallu qu'ils officialisent quelque chose qui était réel depuis longtemps pour que la mémoire réagisse. Donc, Exactement. c'est pour ça que, jusqu'à un certain point, il y a moyen d'agir créativement sans provoquer la mémoire. C'est juste que des fois, c'est là que c'est très sage de pas justement, comme je disais, là, quelqu'un qui me ferait une crise, c'est très émotif, qui me crie après, ça me donne rien de. Si concrètement, ça change rien, puis que la personne a besoin de faire ça me donne rien de provoquer cette émotivité-là, cette mémoire-là, de la confronter, je vais la nourrir. Mais c'est la même chose par rapport là, au législatif. Ça se faisait déjà. Ça se faisait déjà, puis il n'y avait personne qui s'insurgeait. Mais là, ils voyaient que peut-être qu'avec les sondages, puis des études de psychologues, que possiblement qu'il y avait une acceptabilité qui était de plus en plus présente. Donc, ils ont pu législativement le légaliser, le rendre officiel. Mais c'est là que les gens très religieux se sont. Tout d'un coup, se sont mis à réagir. Puis, c'est pareil dans tout, mais. Il reste qu'il y a toujours un peu de ces choses-là qui va se réveiller, qui va se défendre, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de réagir, qui ont besoin de se positionner, qui ont besoin de. Donc, la personne très religieuse qui est contre l'euthanasie, qui est contre l'avortement, personnellement, moi, je suis pour l'euthanasie, l'avortement, n'importe. Je sais que cette personne-là va être intolérante par rapport à mon positionnement. Ce que cette personne-là ignore, c'est que je suis tolérant de son positionnement, puis je trouve ça correct. Parce que c'est comme ça. Il y a de la mémoire qu'il faut qu'il se brûle, puis il faut que l'énergie passe à travers quelque chose, puis c'est correct. Puis au fond, moi, j'ai pas de. Même si, il reculait par rapport à ces lois-là, je me dirais, ben c'était peut-être pas le temps. Puis là, ça recule. Puis dans le fond, une démarche d'ivrogne un peu, des fois on fait un pas derrière pour réavancer 2 pas plus tard. Oui, exactement. Donc, c'est Mais sûr c'est ça. que, ouais, dans la société, il y a tout le temps des gens qui sont plus conservateurs et il y en a d'autres qui sont plus avant-gardistes. Donc, il y a la majorité de la population qui est entre les deux. Ah, moi je suis bien avant-gardiste, mais je me tais. Ben je parle. Je me mettrais pas à militer, là. Non, je comprends. Tu n'iras pas à essayer de convertir un groupe d'évangélistes ou de croyants fondamentaux, là. Ben non, parce que ça revient à provoquer de la mémoire puis à la nourrir. Puis c'est qui subit après, pas eux. Eux, on vient de leur donner une mission, là. Puis c'est nous, là, qui va être. Le mouvement, là, qui est engendré va nous revenir. Puis ça va être antagonisé, là. Ils antagonisent parce que c'est polarisé, leur vision du monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a moyen d'être avant-gardiste, mais c'est d'avoir l'intelligence de fermer sa gueule. À un moment donné, il faut pas se mettre dans le pétrin. C'est pour ça que je dis l'observation de concrètement ce qui est pratique concrètement. Parce que là, on a déjà assez de c'est correct. Les autres qui ont une mission d'évangéliser, mais là, faut pas tomber dans le piège antagonisant d'être la polarité que lui il a la mission de d'aller brûler Convertir. tout ça. C'est ça, c'est des forces collectives. Ça passe par le collectif, c'est lié au collectif. En tant qu'individualité, ça ne me concerne pas. À moins qu'ils veulent me suicider de force ou me confirmer de force dans une église, là, là, je vais militer, là, mais jamais pour les autres. Mais pour que ça soit ajusté, parce qu'on finit que quand on est missionné pour les autres, on leur nuit. Oui, exactement. C'est assez paradoxal. La personne croit faire le bien pour les autres, mais en réalité, elle se mêle pas de ses affaires. Ben là, l'enfer est pavé de bonnes intentions parce que le ciel est plein de marbre. Moi, mes yeux, c'est la même affaire. C'est la même chose. Donc, je n'ai pas d'intention, puis le ciel, puis l'enfer, je ne veux rien savoir ni de l'un ni de l'autre. Ça ne m'intéresse pas. C'est des catégories conceptuelles humaines qui est d'interprétation intuitive de réalité qui dépassent l'entendement psychologique. J'ai pas à me positionner là-dedans. C'est leur problème. Puis, si ma mère, par exemple, a le cancer puis qu'elle veut souffrir jusqu'à la fin pour avoir son ciel, c'est correct. Si elle veut se faire euthanasier, c'est correct. Tout est correct. Mais quand c'est. Je vais avoir le droit de me positionner réellement quand ça va être moi. Oui, Est-ce que je veux exact. souffrir ou. Bon. C'est pour ça que les législateurs sont. C'est très brillant leur côté, le consentement. Oui. Ça prend, c'est la personne qui décide, c'est là que ça, c'est de la régulation intelligente. Parce que sinon, il y a des pays très industrialisés où ce que la population vieillit, que pour sauver de l'argent, l'État risque de se mettre à euthanasier. Ils vont prendre les fonctionnaires vont prendre la décision pour la personne, là. C'est juste ça que ça en arrive pas à ça. Parce qu'il y a bien ici, là, ce qu'on a, les maisons publiques, c'est le gouvernement qui gère l'argent des contribuables pour des personnes âgées. Si certains fonctionnaires ont le pouvoir demain matin de décider à la place d'une personne si elle est euthanasie ou pas, si elle, ben là, ils vont faire tout un ménage. Puis, quelque part, ben là, ça serait quasiment intelligent qu'il y ait des réactions des religieux qui. Parce qu'il risque que, d'un autre côté, si ça arrive comme ça, c'est que ça arrive comme ça, il y a l'énergie d'un coup qu'il faut qu'il se transfère, puis ça passe à travers des gens dominateurs parce qu'ils sont dominés par de la gestion qui les dépasse. Mais nous n'avons pas à moraliser ça émotivement. Parce que ça, dès que c'est émotif, on perd l'objectivité. On perd de l'objectivité, ça draine de la conscience, puis ça devient. Se positionner par rapport à des choses qui ne nous concernent pas encore ou qui ne nous concernent pas du tout, ou positionner les autres par rapport à nous. Puis ça vient tout le temps d'un manque d'identité encore. C'est la même position que les nationalistes identitaires qui diabolisent des mémoires qui viennent d'ailleurs d'une façon tellement polarisée que ça va servir à ceux qui le combattent. C'est là qu'il apparaît certains mots que. Bon, ben, se faire traiter d'antisémite ou d'islamophobe, ou c'est devenu des opprobres, là, que c'est devenu des mots tellement forts que finalement, c'est les antisémites qui ont donné de la force à ce mot-là, puis ils se sont muselés eux-mêmes. Puis pourtant, moi, je suis anti-rien, je suis pour rien, puis c'est toujours pareil, mais il reste que ce que je vois les gens, ils nourrissent ce qu'ils combattent. Puis après, ça me revient. Puis c'est toujours un mouvement comme ça de polarité, l'énergie se promène. Puis c'est des chocs en retour, si on peut dire. Mais Attends une l'affaire minute, de. je t'interromps ici. Ce que tu dis, c'est intéressant à savoir que les gens nourrissent ce qu'ils combattent. C'est-à-dire que la personne qui combat le plan astral nourrit le plan astral? Ben oui, elle lui donne de l'autorité et de l'importance. Le meilleur moyen de combattre l'astral, c'est de le regarder pour ce qui est, c'est tout. On n'a pas à le voir comme mauvais. C'est ni bon ni mauvais. L'astral, c'est de la mémoire enregistrée. C'est juste qu'il y a de la gestion dominante qui passe à travers ça. Mais l'affaire, c'est que c'est juste si un jour les forces doivent servir l'homme, ça veut dire l'astral aussi. Exactement. Donc, l'idée de combattre mes futurs domestiques, ça ne me tente pas. Je ne suis pas pour me donner des coups de pied dans mes coffres à outils. D'une certaine façon, ils sont là en storage, puis je m'en occupe pas. Ça m'intéresse pas. Parce que si je commence à polariser l'astral comme ça a été polarisé, je lui donne de la force. Ça devient, je lui donne de l'importance, je lui donne de l'autorité. Puis il reste qu'à un moment donné, il va falloir que les énergies qui sont enregistrées sur ce plan-là, que les formes soient détruites, puis que l'énergie soit réacheminée aux égos en fusion, disons. Puis ça pourra pas être possible avec une polarisation totale de l'astral, qui est quelque chose qui est probablement nécessaire de bien des façons, puis qui fait qu'il y a du mouvement, puis que ça crée des civilisations, puis ce qui vient des sphères, là, les prophètes qui ont créé des religions, puis ça a passé par l'astral, puis ça s'est enregistré dans l'astral, c'est des forces civilisatrices. C'est l'affaire de voir au-delà de l'astral, il y a des choses qui passent par l'astral, puis c'est comme ça. Puis ça a pris, il n'y aurait pas de civilisation, puis de société comme on les connaît, sans l'astral. C'est dans les forces de mémoire qui ont le plus protégé l'être humain sans qu'il le sache. Ah, mais c'est le problème, c'est que on le polarise dans le négatif parce que c'est de la domination. C'est la chose que, la seule l'affaire que je vois par rapport à l'astral pour le définir, au lieu de dire que, juste dire c'est de la mémoire, c'est que la principale caractéristique que je vois, c'est que c'est dominateur. OK. Puis que ça se, c'est persistant. Mais c'est un peu comme s'il va falloir que l'être humain fasse ses preuves, puis l'astral. Ça fait partie un peu de ce qui va aider à faire ses preuves, un peu comme ça donne à rien d'avoir un outil si on n'a pas à s'en servir. Donc, pour l'intégrer, il va falloir être mis en situation qu'il faut s'en servir. Puis l'astral, ben, je le vois un peu comme ça, c'est un mal qui est nécessaire de bien des façons. Puis, dans le fond, quand je dis tout est correct, je dis pas que tout est correct, là. Quand je dis tout est correct, puis c'est parfait, je dis qu'il y a du pas correct, puis il faut que ce soit comme ça. Il y en a de la cochonnerie, puis il y en a de la domination, puis il y en a de la souffrance qui est inutile, mais le fait que nous puissions atteindre un niveau où nous voyons que c'est inutile, ça la rend utile. Parce que ça a permis de voir. Que c'était inutile. C'est utile de voir de l'inutile. L'inutile devient utile quand on voit que c'est inutile. Ça devient de l'intégration, ça devient de l'objectivité, ça devient de la subjectivité qui en occupant un espace, est en train de créer de l'espace pour l'objectivité qui va venir la remplacer. Mais ça n'a pas le choix d'être comme ça. Ben, l'affaire d'être. Moi, l'astral. Je le vois comme un outil qu'il faut mater. C'est un outil à conquérir. C'est des forces qu'il faut mater. Puis si c'est pas encore sous le contrôle total de l'être humain, c'est parce qu'il n'est pas rendu à ça. Mais là, je parle au niveau collectif. Quelqu'un là qui imprime une tête de mort sur un t-shirt, puis qu'il vend ça à l'international, puis ça lui permet de payer l'école privée à ses enfants, puis de se payer une résidence secondaire, ça, c'est se servir de l'astral. C'est très intelligent. C'est tirer son épingle du jeu. Donc, moi, si je vois une tête de mort sur un t-shirt, moi, ça m'intéresse pas, mais je vais pas dire, ah, c'est de l'astral, puis c'est pas bon, puis c'est mauvais, puis ça me concerne pas. Oui, par contre, si je me fais l'avocat du diable, d'utiliser les lois de fascination astrale comme de vendre des t-shirts avec une tête de mort, c'est pas une façon de vendre son âme au diable ou devrais-je dire aux entités astrales? On n'est pas responsable de l'expérimental d'autrui. C'est dans le sens que c'est sa relation avec ça. C'est là où je dis, il va pour être créatif, il va falloir manipuler ce qui nous manipule. Puis il y en a des gens que c'est leur ils sont rendus à l'état d'être manipulés. Puis que c'est correct pour eux autres, ça fait partie de leur expérimental, puis entre guillemets de leur cheminement. C'est certain que si je peux faire de l'argent en vendant des gilets avec des têtes de mort, je n'ai pas l'impression de vendre mon âme au diable. Je sers d'intermédiaire entre les hommes puis le diable, mais c'est pas rapport. C'est juste le fait de faire ça fait que ça vibre déjà plus haut que l'astral lui-même, puis que l'animique lui-même, parce que j'ai intégré une vision de ces lois-là au point d'être capable de m'en servir d'une façon créative. Il n'y a personne qui va. C'est sûr que ça doit être astralisant, le monde qui se promène avec des dessins morbides, puis qui se font tatouer des affaires morbides, puis. Mais quelque part, même si j'avais si j'avais la possibilité de faire de l'argent avec ça, je le ferais. J'ai aucun questionnement éthique ou moral. C'est pas la même chose que. C'est pas comme. Il y a une différence entre être un producteur qui vend de la musique astralisante puis quelqu'un qui commandite des meurtres, là. Je suis pas responsable de comment l'échiquier est fait. Mais je suis responsable de ma démarche sur l'échiquier. Je suis responsable de. C'est d'avoir. Parce que sinon, on n'avancera jamais de pièce. On ne fera jamais rien. Puis, c'est ça. Est-ce que c'est vendre son âme au diable? Non, c'est servir d'intermédiaire entre le diable puis les âmes. C'est comme ça que je le vois. Puis, ça vient d'une intégration des lois involutives sur Terre. Puis, ça, c'est de l'évolution. C'est pas comme vendre de l'héroïne à des mineurs, là. C'est pas comme aller dans la rue puis vendre du lait empoisonné aux petits enfants, même si techniquement, c'est exactement ça. Oui, je comprends ce que tu veux en venir, c'est-à-dire être capable de transcender les catégories morales traditionnelles, là. C'est parce que ma mission, si on peut dire, c'est moi. Puis l'affaire d'accumuler des dettes karmiques parce que j'agis d'une façon, bon, qui peut nuire à autrui ou. Non, je m'inscris dans un contexte où il y a de l'énergie qui circule, puis j'intercepte de l'énergie pour moi parce que ma mission, c'est moi en même temps que j'ai pas. Je vais pas accumuler, si on peut dire, une dette karmique en nuisant à l'évolution d'autrui. Que je me mette en tant qu'intermédiaire ou pas, ça va être comme ça quand même. Puis c'est à un moment donné, avoir l'intelligence de tirer son épingle du jeu. On peut pas refaire le jeu, puis on peut pas modifier le jeu, puis le jeu est comme ça. C'est un peu comme Bernard, il dit, on regarde les petits moineaux, puis on se dit, on les mange-tu, on les mange-tu pas, ils sont-tu beaux, ils sont-tu fins, tes pauvres petits oiseaux, puis il dit, pendant ce temps-là, Christ, c'est nous autres qui se fait manger. Puis quand il a dit ça, ça m'a. Ça venait. C'est exactement presque une vision comme ça que j'en ai. C'est pas l'affaire d'être bon ou mauvais, c'est encore du mental polarisé. C'est. Si je viens en vendant des gilets, des t-shirts avec des têtes de mort, je viens à bout d'envoyer mes enfants à l'école privée, je deviens un convertisseur d'énergie, dans le sens que je prends du mauvais, puis d'une façon constructive, j'en fais quelque chose de bien qui va servir. Mais le mauvais était déjà là, il est déjà là, c'est juste que j'ai intégré ces lois, puis que je m'en sers pour créer un espace créatif, de manifestation créative. C'est pas moi qui ai décidé que le monde sont fascinés par des modes de zombies, puis de. Oui, C'est. mais l'ironie du sort, ce qui peut arriver, c'est que, si mettons, tu vends des chandails, des têtes de mort pour envoyer tes enfants, exemple fictif, aller étudier à l'école privée, ça se peut qu'à l'école privée, ils rencontrent des groupes d'enfants qui les amènent eux-mêmes à acheter des têtes de mort, puis être fascinés par ça, puis même à suicider parce qu'ils vont voir un culte à la mort. Ben, let's go, allez-y. Bon, je m'en fous, je suis pas responsable de ça. Ce que j'étais responsable, je l'ai fait. Mais hey, à la largeur de ce marché-là, de ce type de marché-là, je pense pas que ils vont être astralisés par d'autres supports. Puis même là, le regarder comme ça, c'est encore le voir d'une façon. Psychologique, si j'envoie mes enfants à l'école privée, puis parce que je suis leur parent, quelque part, il y a quand même une influence vibratoire, puis le fait que moi-même, je le fasse avec une certaine attitude, puis qu'ils le voient, ça peut faire qu'ils vont avoir justement du discernement qui fait qu'ils ne tomberont pas dans ce piège-là. Ils le savent, c'est quoi au fond concrètement? C'est du commerce, puis c'est de vendre une forme Et ça fera pas nécessairement des. Ils seraient supposés avoir un apprentissage qui fait que ils vont voir au-delà de ça, puis pas tomber fasciné par la forme. La forme, c'est juste un moyen. Exactement. Mais en ligne, ce que tu dis, c'est que le chandail peut être une occasion d'astralisation, mais en réalité, si la personne, c'est pas à travers ça, ça peut être à travers la cigarette, la cocaïne ou la légalisation de la marijuana que la personne va sombrer puis avoir entré dans un Ben état de oui. déchéance. Ben oui, c'est pas moi qui a dessiné l'échiquier, mais c'est pas une raison pour rester dans ma case dans le coin, puis à rien faire, ou bien garrocher dans le milieu du damier pour me faire manger parce que j'ai la mission, moi, là, de sauver les pions en avant. C'est ça qui est pas. Et c'est pour ça que je dis de ne pas le polariser, de pas moraliser ces choses-là. Parce que c'est des blocages, c'est du psychologique qui nous empêche de faire des mouvements. Si j'ai la vibration de vendre quelque chose qui astralise les autres, c'est parce que j'ai la vibration que c'est ça. Puis si je le fais sans réfléchir, puis que ça aboutit à du concret, ben c'était ajusté. Puis même si je me crée des problèmes avec ça, c'est encore ajusté. Tout est tout le temps correct à ce niveau-là. Puis c'est tellement. Même quelqu'un qui fait du mal, il est pas responsable. Il y a quelque chose qui. Puis là, c'est pas de déresponsabiliser l'ego, c'est de le voir d'une façon qui est en dehors du psychologique. C'est juste des jeux de force. C'est juste du mouvement. Puis, de toute façon, là, si on regarde. C'est de se servir de l'astral au lieu de le servir. Parce que quand on regarde les criminels de carrière, par exemple, c'est une des choses, moi, qui me surprend le plus, c'est de voir à quel point ces gens-là, en privé, au fond, sont des gens très bien. C'est très surprenant, des fois, de voir, par exemple, les mafieux, ils vont à l'église, ils sont très catholiques, puis ils donnent aux religieuses, leurs enfants, ils sont bien élevés, puis pourtant, c'est des assassins, c'est des vendeurs de drogue, c'est des. Mais en dehors de ce rôle-là qu'ils ont, il reste que on voit que c'est l'expérimental, ce qui est le contexte qui les a amenés à ça. Parce que, au fond, c'est des braves gens. Ils seraient nés dans un autre contexte avec un expérimental différent, puis ça aurait fait autre chose. Donc, au fin fond, c'est pas des gens, ils ont été amenés à faire ça. Puis c'est pas du mauvais monde. C'est pour ça que je discute des fois avec des gens qui ont fait de la prison, qui ont fait des choses très graves, puis ils se sentent pas gênés. Puis ils me racontent des choses, des fois, je me dis, oh, c'est pesant, là. Ils savent que eux, en tant que personne, à mes yeux, c'est pas eux, ça. Que ça, c'est leur expérience. Ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est pas eux dans le présent nécessairement. Puis, l'être humain, il est pas responsable de son expérimental. C'est ça qui fait que c'est expérimental, justement. S'il était responsable, il n'y a plus d'expérimental, puis il devient créatif. Puis là, mais là, non, il a fallu qu'on spiritualise ça pour régulariser ça, puis faire les affaires des doctrines spirituelles de dettes karmiques, là. Mais là, je parle au niveau, là, comme on le voit dans l'hindouisme, là, puis dans le bouddhisme. Mais l'affaire, c'est que au-delà de ça, là, c'est tout du bon monde. Je veux dire, du monde réellement mauvais, là. Qui font le mal pour le mal, puis c'est quasiment spirituel, puis c'est très, très pur. Moi, j'en ai jamais vu. Mais je J'ai veux dire, il jamais vu existe ça. quand même des tyrans, si on pense à Staline, Adolf Hitler. Ben oui, mais ils sont pas conscients. Mais c'est sûr Les que. autres, Ouais. Hitler était persuadé que ce qu'il faisait, c'était pour le bien de l'humanité. Il était persuadé qu'il était mandaté pour aider l'humanité. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hitler s'est pas réveillé du jour au lendemain en disant, moi, je suis le diable en personne, puis je vais faire le plus de mal possible. Ces gens-là pensaient qu'ils accomplissaient une mission qui était nécessaire. Ils étaient complètement en dehors de la réalité parce que ça gérait à travers eux pour créer de l'expérimental. C'est comme Staline, c'est un cas différent d'Hitler parce que je pense pas qu'il se pensait missionné, puis je pense pas que ça commence à être proche là, de quelqu'un de purement dominateur, là, peut-être un vrai, vrai psychopathe, tandis que Hitler, il a des traits sociopathiques, mais c'est un exalté, c'est un émotif. C'était pas comme Staline, mais moi, quand je dis j'en ai jamais vu, c'est pas Staline, je l'ai pas rencontré, là. Non, non, c'est ça, c'est des personnalités historiques auxquelles je fais référence qu'on n'a Ah pas ouais, je dis rencontrées pas que ça en existe personne. pas. Ouais. Je dis pas que ça existe pas. Mais les gens que j'ai connus les plus criminalisés, je m'entendais bien avec eux. Je voyais qu'ils avaient été amenés à être comme ça, que c'était circonstanciel. Mais qu'au-delà de ça, je voyais la personne dans la personnalité, si on peut dire. Puis ça fait que je venais que j'ai jamais eu de crainte, jamais eu peur de. Je fais attention quand même, mais c'est comme si on regarde Hitler, l'histoire le montre comme un antéchrist. Il montre pas la réelle domination qu'il y avait là-dedans, c'est-à-dire que cet homme-là se pensait missionné pour sauver l'humanité, puis que c'est un émotif, un exalté. Et là, le danger, si on voit Hitler comme un psychopathe froid qui voulait faire du mal par plaisir, on ne comprend pas le phénomène là, de c'est quoi les forces qu'il gère à travers des gens comme Hitler. C'était une religion, l'hitlérisme. C'était des forces spirituelles. Et si on regarde l'ordre noir là, de Himmler, puis Karl Maria Villikut, puis toutes ces choses-là, c'est tout simplement de la spirituelle. C'est de la spiritualité. Il n'y a pas. Moi, ce que je sache, Hitler a fait beaucoup moins de morts que l'Église catholique, là, à ce qu'on sait. Selon moi, c'est mon humble opinion, puis je l'assume. Mais c'est les mêmes forces. C'est la même chose. Ça revient sous des nouvelles formes. Là, les gens se pensent missionnés parce qu'ils sont trop sensibles émotivement. Puis, au fond, quelque part, ben, ça aide à. La Deuxième Guerre mondiale, ça a réveillé pas mal de monde. Ça a plus réveillé de monde que ça en a endormi, je pense. Je parle au niveau de ceux qui restaient vivants, là. Oui, mais c'est ça, ça leur fait réaliser les dérives du totalitarisme là, puis du mouvement nazi, puis de la dictature là. Bon, mais moi, il y a une chose qui me dérange là-dedans, c'est qu'on ne voit pas le côté, ce qu'il y a derrière ça. Ça me dérange. Parce que le réel, dans le fond, dans le nazisme, c'est quoi observer le réel dans ce qu'a été le nazisme? C'est un mouvement spirituel, religieux, le nazisme. Puis c'est basé sur de l'émotivité puis de la sensibilité, le nazisme. Puis pourtant, si je dis ça va paraître paradoxal. Mais pourtant, c'était ça. C'est de la mesmérisation de foule. Oui, ben c'est sûr que les foules étaient fascinées par le mouvement, un peu comme les gens qui vont à l'église peuvent être fascinés par le prêtre qui va prêcher à l'avant ou l'autorité du pape. C'est que les gens, ils ont besoin de se situer, ils angoissent. Il y a des gens, ils vont se confesser à un prêtre pour évacuer de l'angoisse. C'est la même chose, ça revient au même. Le peuple allemand qui a été mis dans la misère après le traité de Versailles, puis là, le Kaiser tombe, puis ils n'ont plus d'identité. Il n'y avait plus d'identité. Donc là, c'est là que des symboles qui contiennent de l'émotivité, qui contiennent de l'énergie, vont mesmériser des gens. Ils n'ont plus d'identité nationale. Ils n'ont pas d'identité réelle. Ils ont besoin d'une identité collective. Et puis, l'histoire fait en sorte qu'ils sont rendus vulnérables au niveau de cette émotivité collective-là. Ça met le terrain pour Hitler. Même les gens, ils regardaient Hitler, puis ils disaient, ça les inquiétait pas. Ils disaient, c'est un fou, c'est un bouffon. Ils le trouvaient drôle, c'est un comique. Ils voyaient pas. Ça montre qu'ils voyaient pas. Sinon, ça a arrêté dans l'œuf, ça. Si les gens avaient réellement compris ce qui se passait, mais il fallait prendre en compte le contexte, comment l'Allemagne a été humiliée, comment les gens ont été mis dans de la pauvreté, comment les gens souffraient dans leur expérimental, puis le besoin de rattachement à une identité collective forte. Pourquoi? Parce que, comme tous les peuples, les gens n'ont pas d'identité En tant qu'individualité, ils ont besoin de se projeter, puis c'est là que on est pris avec des missionnaires, des sauveurs, des guides, les extraterrestres qui s'en viennent nous sauver, le second avènement du Christ, Saint-Michel l'Archange, puis la milice céleste, mais c'est toutes les mêmes forces, c'est toute la... Tant que l'être humain, il peut pas se gérer lui-même, ça gère à sa place. C'est de l'intelligence, mais quelque part, au niveau du point de vue d'un individu réel, c'est pas intelligent. Puis si c'est pas intelligent, c'est justement pour que l'individu s'individualise à force de choc, puis qu'il se rende compte que c'est pas intelligent. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que c'est particulier de parler de tout ça parce que tu nous amènes dans des observations qui vont au-delà des catégories morales habituelles, là. Ben, c'est l'ensemble, la vision d'ensemble, pour voir les mouvements. Puis c'est là qu'on se rend compte que c'est des tons de gris. C'est très vaste, c'est un peu comme si, tant qu'on est dans le mental polarisé, on a une vision de haut contraste, où tout est tout noir ou tout blanc. Puis ça en est de la subjectivité, parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a même des choses que des gens qui étaient dans l'idéologie nazie ont amené que ça a été utile à l'humanité, c'est une façon surprenante. Il y a tout, c'est très, c'est dans des nuances de gris. Moi, à mes yeux, ces gens-là, ils étaient ni bons ni mauvais, ils étaient inconscients. Ils peuvent pas être bons ou mauvais. Pour faire le mal, il faut le faire consciemment. Si c'est pas fait consciemment, c'est quelque chose qui le fait à travers. L'individu, donc à ce moment-là, ça ouvre la porte sur le phénomène de possession. Oui, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, puis qui draine de la présence, puis qui engendre de la fascination. Tout ce qui vient de... Hitler, c'est de la possession. Et quand il tombait en transe, puis il devenait complètement persuadé qu'il était missionné, il avait été choisi par Dieu pour purger la Terre, puis remettre en marche les possibilités du retour d'une race quasiment de divine, puis c'est de la possession, ça, parce que dès que quelqu'un est persuadé d'avoir une mission, puis il y croit, puis ça devient un moteur, c'est là que c'est de la possession, puis ce qui est au niveau là, de ce qu'on disait, ce qui est astral, puis ce qui est mental, c'est spécial, mais l'astral, ça peut donner énormément d'énergie, même que c'est là que si je me dis, bon, si je fais tel mouvement, est-ce que je sens que c'est énergisant? Puis là, je me mets à catégoriser, est-ce que c'est astral ou mental? Au fond, ça ne veut rien dire. Parce que Hitler était survolté d'énergie. C'est incroyable. C'était quelqu'un de paresseux, puis de pas très instruit. Et puis du jour au lendemain, c'est devenu quelqu'un qui travaillait énormément, qui était très actif, qui était... Parce que... Il était mis en vibration par des forces. Puis l'astral peut être extraordinairement énergisant quand des jeunes ils vont à un concert de je sais pas moi, de Musique heavy heavy metal, metal. oui. Puis c'est très, très énergisant. Oui, exactement. Comme le temps file, il va falloir conclure cet enregistrement qui a porté sur l'observation du réel. Donc, je voudrais t'amener à faire un mot de la fin. Un mot de la fin. Ben, au fond, c'est toujours l'observation du réel. Techniquement, si on se met à se dire j'observe le réel, c'est là ça devient subjectif. L'observation du réel, c'est quoi? C'est le côté actif d'observer ce qui est au-delà de ce qui est au-delà de la surface des choses qui se densifient. Est-ce que Hitler, c'était quelqu'un de méchant puis de mauvais? C'est pas réel de le catégoriser comme un homme bon qui voulait faire du bien, puis c'est pas réel de le qualifier comme un homme mauvais qui voulait faire du mal. Puis c'est pareil pour tout. Le réel, c'est ce qui est au-delà de ces catégorisations-là. C'est le mouvement qu'il y a derrière ce qui va se concrétiser. Donc, puis même le réel, l'invisible Pour voir de l'invisible, il faut observer le visible. Ça s'actualise à travers. C'est à force d'observer le visible que on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose, il y a des éléments qui se manifestent, il y a des lois qui se répètent, et puis on ne voit pas dans le visible la cause. La cause à effet. Mais le seul fait de voir qu'il y a une cause à effet, qu'il y a des choses qui se répètent, qu'il y a des phénomènes qu'on le voit, là, on voit qu'il y a quelque chose, ça, c'en est là, de l'observation du réel, c'est voir de l'invisible. Oui, c'est bien dire. Donc, autrement dit, ça revient à aller voir au-delà du phénomène pour voir la transphénoménalité. C'est ça. Parce que là, on dit l'invisible, c'est quoi l'invisible? C'est ce qui est au-delà des formes. L'invisible, c'est de la forme. Exactement. Ben, ça revient au principe que c'est de la vibration derrière la forme. C'est ça. Puis le réel, ça englobe le visible puis l'invisible. C'est ça, le réel. C'est d'observer les causes à effet puis les mouvements du fait que c'est lié. Le visible puis l'invisible, ça fait partie, les deux font partie du réel. Exactement. Donc, bien, ça conclut. Je te remercie beaucoup du temps que tu as consacré, Berthold, pour cet entretien. Ben, moi de même, ça a été intéressant. Je m'attendais pas à parler de. Ben, je sais jamais ce que. Disons que j'ai trouvé ça intéressant, mais même si je pouvais pas m'attendre là, à ce que j'allais dire. Puis c'est certain que je suis toujours un peu surpris. Puis donc, c'est pas un travail pour moi là, d'avoir un entretien avec toi, au contraire. Donc, c'est un plaisir partagé et à ce moment-là, bien, je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.